Quatrième partie. Où donc, hélas, de plus grandes sottises ont-elles été commises au monde que chez les compatissants? Et qu'est-ce qui a créé plus de souffrances dans le monde que les sottises des compatissants? Malheur à tous ceux qui aiment, et qui n'ont pas en outre une hauteur qui soit au-dessus de leur pitié. Un jour, le diable me parla ainsi. Dieu aussi a son enfer, c'est son amour pour les hommes. Et il y a peu, je l'entendis dire ce mot. Dieu est mort de sa compassion pour les hommes. Zarathoustra, des compatissants. L'offrande de miel. Et de nouveau, les mois et les années passèrent sur l'âme de Zarathoustra, et il n'y prêta pas attention. Mais ses cheveux blanchirent. Un jour qu'il était assis sur une pierre devant sa caverne et regardait le lointain sans rien dire, car l'on voyait de là la mer et le regard plongeait sur un enchevêtrement d'abîme, ces animaux se mirent pensivement à tourner autour de lui pour enfin venir se poster devant lui. « Ô Zarathoustra, dirent-ils, est-ce ton bonheur que tu cherches des yeux ?»« Qu'importe le bonheur, répondit-il, il y a bien longtemps que je n'aspire plus au bonheur. Ce à quoi j'aspire, c'est mon œuvre. » Ô Zarathoustra, dirent les animaux à nouveau, tu dis cela comme quelqu'un qui a le bien à profusion. N'es-tu pas couché dans un lac de bonheur couleur d'azur ? Farceur que vous êtes, répondit Zarathoustra en souriant, que vous avez bien choisi votre comparaison. Mais vous savez aussi que mon bonheur est lourd, et qu'il n'est pas comme la source jaillissante. Il me pousse et ne me veut pas, il est semblable à la poix fondue. Alors de nouveau, pensivement, ces animaux se remirent à tourner autour de lui et se postèrent une nouvelle fois devant lui. Ô Zarathoustra, dirent-ils, c'est donc à cause de cela que tu deviens toujours plus jaune et toujours plus sombre, bien que tes cheveux déjà veuillent devenir blancs et filasses. Vois, tu es assis dans la poisse. Que dites-vous là, mes amis ? Fit Zarathoustra, et il se mit à rire. En vérité, j'ai blasphémé lorsque j'ai parlé de pois. Ce qui m'arrive, c'est ce qui arrive à tous les fruits qui mûrissent. C'est le miel dans mes veines qui rend mon sang plus épais et mon âme plus calme. C'est sûrement cela, ô Zarathoustra, répondirent les animaux. Ils se pressèrent contre lui. Mais ne veux-tu pas aujourd'hui monter sur tes hautes montagnes ? L'air est pur, et l'on voit aujourd'hui plus du monde que jamais auparavant. Oui, mes animaux, répondit-il, vous me conseillez excellemment et selon mon cœur. Je veux aujourd'hui monter sur une haute montagne, mais veillez à ce que j'y aie du miel sous la main, du miel d'alvéole, jaune, blanc, bon, du miel doré frais comme la glace, car sachez-le, je veux apporter là-haut l'offrande de miel. Mais lorsque Zarathoustra fut arrivé là-haut, il renvoya chez lui les animaux qu'il avait conduits et il s'aperçut que désormais il était seul. Alors il se mit à rire de tout son cœur. Il regarda tout autour de lui et parla en ces termes. Avoir parlé d'offrande et d'offrande de miel, ce fut seulement une ruse dans mon discours et en vérité une folie efficace. Ici en haut, j'ai déjà le droit de parler plus librement que devant les cavernes d'ermites et les animaux domestiques d'ermites. Que donner en offrande ? Je gaspille ce que l'on m'offre. Moi, le gaspilleur aux mille mains, comment pourrais-je encore appeler cela faire des offrandes ? Et lorsque je désirais du miel, je ne désirais qu'un appât. Et je désirais ce doux et visqueux breuvage dont les ours grognons et d'étranges oiseaux méchants et renfrognés se pourlèchent les babines. Je désirais le meilleur appât, comme en ont besoin les chasseurs et les pêcheurs. Car si le monde est comme une sombre forêt pleine d'animaux et comme le jardin d'agrément de tous les chasseurs sauvages, il me semble encore davantage une mer sans fond et pleine de richesses. Une mer pleine de poissons multicolores et de crabes, désirables pour des dieux aussi, pour qu'ils y deviennent des pêcheurs et des lanceurs de filets. Si riche est le monde en choses étranges, grandes et petites, c'est surtout dans le monde des hommes, dans la mer humaine, que je plonge ma canne à pêche en or et je dis « Ouvre-toi, abîme humain !»« Ouvre-toi et jette-moi tes poissons et tes crabes miroitants. » Avec mon meilleur appât, j'appâte aujourd'hui les plus étranges poissons humains. Mon bonheur lui-même, je le jette au loin, à tous les horizons, entre le lever, le midi et le coucher, pour voir si beaucoup de poissons humains n'apprennent pas à tirailler et à gigoter à mon bonheur, jusqu'à ce que, mordant à mes hameçons pointus et cachés, ils soient contraints de s'élever à ma hauteur, eux, les poissons des profondeurs, ces goujons multicolores, vers le plus méchant des pêcheurs d'hommes. C'est ce que je suis, en effet, par nature et depuis l'origine, tyran, attirant à moi, tirant vers le haut, attirant, un tireur, un dresseur, un éducateur qui attire, qui jadis ne s'est pas dit en vain à lui-même « Deviens qui tu es ». Donc, que les hommes à présent montent vers moi, car j'attends encore les signes m'indiquant qu'il est temps pour mon déclin. Pour l'instant, je ne descends pas encore parmi les hommes, comme j'y suis contraint. C'est pourquoi j'attends ici, rusé et moqueur, sur de hautes montagnes, ni patient, ni impatient, mais bien plutôt comme quelqu'un qui a désappris la patience, parce qu'il ne veut plus pâtir. Mon destin, en effet, me laisse le temps. Il m'a oublié, n'est-ce pas ? Ou bien il est peut-être assis derrière une pierre à l'ombre et il attrape les mouches. Et en vérité, je lui en suis reconnaissant, à mon éternel destin, de ne pas me presser et de ne pas me pourchasser, de me laisser le temps pour faire des farces et des méchancetés, de sorte qu'aujourd'hui je sois monté sur cette montagne pour attraper du poisson. Y eut-il jamais un être humain pour attraper des poissons sur de hautes montagnes ? Et même si ce que je fais, ce que je veux faire ici en haut est une folie, cela vaut encore mieux que de devenir solennel là-bas, en bas, et vert et jaune à force d'attendre, que d'écumer, d'être tout raidi de colère à force d'attendre, une tempête hurlante et sacrée venue des montagnes, un impatient qui, d'en haut, clame vers les vallées, « Écoutez, ou je vous fouette avec les verges de Dieu !» Non pas que je pourrais en vouloir à des coléreux de cette sorte, ils me sont toujours assez bons pour en rire. Il faut bien qu'elles soient impatientes, ces grosses caisses à potins qui prendront la parole aujourd'hui ou jamais. Mais moi et mon destin, ce n'est pas à l'aujourd'hui que nous parlons, ni au jamais. Pour parler, nous avons la patience, nous avons le temps à profusion. Car un jour, il viendra nécessairement et n'aura pas le droit de passer. Qui donc viendra nécessairement et n'aura pas le droit de passer simplement ? Notre grand hasard, notre grand et lointain empire humain, l'empire de Zarathoustra qui durera 1000 ans. Combien lointain peut bien être un tel lointain ? Que m'importe ? Il n'en est pas moins sûr, des deux pieds je suis planté sur ce sol-là, sur un sol éternel, une pierre originelle, sur cette montagne originelle la plus haute, la plus dure, vers qui viennent tous les vents, comme à une ligne de partage demandant où aller, d'où venir, pour aller où. Ris ici, ris ma méchanceté claire et saine, jette en bas de hautes montagnes les éclats de rire miroitants de ta moquerie, à patte de ton miroitement, mes plus beaux poissons-hommes. Et tout ce qui dans les mers me revient à moi, mon en moi et pour moi en toute chose. Cela pêche-le-moi, cela monte-le vers moi. C'est cela que j'attends, moi le plus méchant de tous les pêcheurs. Au loin ma ligne, plonge dedans, plonge loin, à pas de mon bonheur. Fais goûter ta rosée la plus douce, toi, miel de mon cœur. Accroche mon hameçon dans le ventre de toute noire tristesse. Au loin, va au loin mon regard. Ô toutes les mers autour de moi, tous les avenirs humains en train de pondre. Et au-dessus de moi, quelle calme couleur de rose, quel silence sans nuages. Le cri de détresse. Le jour suivant, Zarathoustra était de nouveau assis sur sa pierre devant la caverne, pendant que les animaux vagabondaient dehors, de par le monde, afin de rapporter de la nourriture nouvelle, et aussi du miel nouveau, car Zarathoustra avait dépensé et gaspillé le miel ancien jusqu'à la dernière miette. Or, comme il était assis ainsi, un bâton à la main, en train de dessiner sur le sol les contours de son ombre, songeant et en vérité ni à lui-même ni à son ombre, tout à coup il fut pris de peur et sursauta. Car à côté de son ombre, il vit encore une autre ombre. Et comme il se leva d'un bond en regardant derrière lui, voyez, il vit le devin debout derrière lui, le même qu'il avait un jour nourri et désaltéré à sa table, l'annonciateur de la grande fatigue, lequel enseignait « Tout est pareil, rien ne vaut la peine, le monde n'a pas de sens, savoir étouffe. » Mais son visage entre-temps avait changé, et comme Zarathoustra le regarda dans les yeux, son cœur fut effrayé une nouvelle fois. Tellement il y avait de mauvaises prédictions et d'éclairs d'un gris cendré qui couraient sur ce visage. Le devin qui avait perçu ce qui se déroulait dans l'âme de Zarathoustra se passait la main sur son visage comme s'il voulait effacer celui-ci. Zarathoustra fit de même. Et lorsque tous les deux se furent ainsi ressaisis et réconfortés en silence, ils se prirent les mains en signe de ce qu'ils voulaient à nouveau se reconnaître. « Sois le bienvenu, » dit Zarathoustra. toi le prophète de la grande fatigue. Ce n'est pas pour rien que tu auras été un jour mon hôte et commensal. Mange et bois aujourd'hui aussi avec moi, et pardonne à un vieil homme joyeux d'être assis à la table avec toi. » « Un vieil homme joyeux, » répondit le devin, secouant la tête. « Qui que tu sois ou qui que tu veuilles être, ô Zarathoustra, tu l'as été par trop longtemps ici en haut. Ta barque, d'ici peu, ne sera plus au sec. » « Suis-je donc au sec ?» demanda Zarathoustra en riant. « Les vagues autour de ta montagne, » répondit le devin, « montent et remontent, les vagues de la grande détresse et de la grande tristesse. Bientôt elles soulèveront aussi ta barque et t'emporteront. » Zarathoustra se tut là-dessus et s'étonna. « N'entends-tu encore rien ?» continua le devin. « N'entends-tu pas les bruissements et les mugissements montés des profondeurs ?» Zarathoustra se tut à nouveau et écouta. Alors il entendit un long, long cri que les abîmes se jetaient l'un à l'autre et répercutaient, car aucun ne voulait le garder, tellement sa sonorité était funeste. « Prophète de malheur, » dit enfin Zarathoustra. « Cela, c'est un cri de détresse et le cri d'un homme. Certes, il peut bien provenir d'une mer noire, mais que peut bien me faire la détresse humaine ? Mon dernier péché qui m'est réservé jusqu'ici, tu sais certainement comment il se nomme. » « Compassion, » répondit le devin, le cœur débordant, en élevant ses deux mains. « Ô Zarathoustra, je suis venu pour te séduire, pour ton dernier péché. » Et à peine ces paroles furent-elles prononcées que le cri retentit une nouvelle fois, et plus long, et plus angoissé qu'auparavant, et déjà beaucoup plus proche. « Entends-tu ? Entends-tu, ô Zarathoustra ? » s'écria le devin. « C'est à toi que ce cri s'adresse. C'est toi qui l'appelle. Viens, viens, viens, il est temps. Il est grand temps. » Zarathoustra alors se tut, troublé et bouleversé. Enfin il demanda, hésitant en lui-même, « Et qu'est-ce qui là-bas m'appelle ?»« Mais tu le sais bien, » répondit le devin avec brusquerie, « que tu as te caché. C'est l'homme supérieur qui t'appelle. »« L'homme supérieur ?» s'écria Zarathoustra, pris d'effroi. « Que veut-il, celui-là ? » ?»« L'homme supérieur, que veut-il ici ?» Et sa peau se couvrit de sueur. Mais le devin ne répondit pas à l'angoisse de Zarathoustra, mais il écoutait, écoutait encore les profondeurs. Cependant, lorsque pendant un long moment le silence y régna, il détourna les yeux et vit Zarathoustra debout, tremblant. « Ô Zarathoustra, » commença-t-il d'une voix triste, « tu ne te tiens pas là debout comme quelqu'un que son bonheur ferait tourner. Il te faudra danser pour que tu ne tombes pas. Mais voudrais-tu danser devant moi et exécuter tous les bonds de côté que personne cependant ne serait en droit de me dire « Voyez, c'est le dernier homme joyeux qui danse là. » C'est en vain que viendrait sur cette hauteur ici quelqu'un qui chercherait cet homme-là. Il trouverait des cavernes, et des cavernes encore derrière des cavernes, des cachettes pour ceux qui se cachent, mais pas des mines de bonheur, des chambres au trésor et de nouveaux filons d'or et de bonheur. Le bonheur. Comment pourrait-on trouver le bonheur chez ces enterrés-là, chez ces ermites ? Dois-je chercher le bonheur ultime sur des îles bienheureuses et loin entre des mers oubliées ? Mais tout est égal et semblable, rien ne vaut la peine. Ce n'est pas la peine de chercher. Il n'existe plus non plus d'île bienheureuse. Ainsi gémissait le devin. Mais à sa dernière plainte, Zarathoustra retrouva sa lucidité et son assurance, pareil à un homme qui d'un profond abîme remonte à la lumière. « Non, non, trois fois non !» s'écria-t-il d'une voix forte, en se lissant la barbe. « Cela, je le sais mieux. Il existe encore des îles bienheureuses. Tais-toi. Ce n'est pas à toi d'en parler, vieux sac à tristesse, pleurnichard. Arrête de clapoter à ce propos, espèce de nuage de pluie en pleine matinée. Ne suis-je pas là, déjà, inondé par ta tristesse et trempé comme un chien ? Je me secoue maintenant et je m'échappe en courant pour me sécher. Tu ne dois pas t'en étonner. Je te parais discourtois, mais ici c'est moi qui tiens ma cour. Mais pour ce qui est de ton homme supérieur, allons, je vais aussitôt le chercher dans ces forêts. C'est de là qu'est venu son cri. Peut-être une bête méchante le menace-t-elle. Il est dans mon domaine. Et je ne veux pas qu'il lui arrive malheur, et en vérité, il y a beaucoup de bêtes féroces chez moi. » Sur ces mots, Zarathoustra se prépara à s'en aller, alors le devin dit « Ô Zarathoustra, tu es un coquin, je le sais bien, tu veux te débarrasser de moi. Tu préfères encore aller dans les forêts et y pourchasser des bêtes féroces. Mais à quoi cela te sert-il ? Le soir, c'est quand même moi que tu retrouveras, je serai assis dans ta propre caverne à t'attendre, patient et lourd comme une souche. » « Eh bien, soit !» s'écria Zarathoustra en se retournant, tout en s'en allant. « Et ce qui est mien dans ma caverne t'appartient aussi à toi, mon hôte. Si tu devais y trouver encore du miel, alors allons, lèche-le, finis-le, ours grognon que tu es, et adoucissant ton âme. Ce soir, en effet, il faut que nous soyons tous deux de bonne humeur et heureux, que ce jour soit fini, et toi-même tu seras l'ours qui dansera au rythme de mes chansons. Tu n'y crois pas ? Tu secoues la tête. Allons, courage, vieil ours, mais moi aussi je suis un prophète. Ainsi parlait Zarathoustra. Entretien avec les rois. Il n'y avait pas encore une heure que Zarathoustra était en route dans ses montagnes et ses forêts qu'il vit tout à coup un étrange défilé. Deux rois s'en venaient justement sur le chemin par lequel ils voulaient descendre, ceints de leur couronne et ornés de ceintures pourpres, bariolés comme des flamands. Devant eux, ils poussaient un âne portant une charge. Que veulent-ils ces rois dans mon domaine ? Fit Zarathoustra étonné à son cœur, et il se cacha vite derrière un buisson. Lorsque les rois furent parvenus à sa hauteur, il dit à mi-voix comme quelqu'un qui se parle à lui-même. « Étrange, étrange, comment cela peut-il s'accorder ? Je vois deux rois, et je ne vois qu'un âne. » Alors les deux rois s'arrêtèrent, sourirent, et regardèrent vers l'endroit d'où venait la voix, et après se regardèrent l'un l'autre. « De telles choses, on les pense aussi entre nous, » dit le roi qui était passé du côté droit. « Seulement, on ne les dit pas. » Mais le roi qui était à gauche haussa les épaules et répondit. « Ce doit être un chevrier ou un ermite qui a vécu trop longtemps parmi les rochers et les arbres. Pas de compagnie du tout, en effet. Cela gâte aussi les bonnes mœurs. »« Les bonnes mœurs ?» répondit l'autre, de mauvaise grâce et avec amertume. « À quoi voulons-nous échapper si ce n'est justement aux bonnes mœurs, à notre bonne société ?»« Mieux vaut vivre parmi les ermites et les chevriers qu'avec notre populace dorée, fausse et fardée. » Même si elle s'intitule elle-même bonne société, même si elle s'appelle noblesse. Mais en celle-là, tout est faux et pourri, et le sang en premier, à cause de mauvaises maladies et de plus mauvais guérisseurs encore. Le meilleur, celui que je préfère, c'est aujourd'hui un bon paysan, sain, rustre, rusé, entêté, opiniâtre. Voilà ce qui est aujourd'hui l'espèce la plus noble. Le paysan est aujourd'hui ce qu'il y a de meilleur, et c'est l'espèce paysanne qui devrait régner. Mais c'est la populace qui règne. Je ne m'en laisse plus compter. Mais la populace, cela veut dire méli-mélo. Le méli-mélo de la populace, tout y est sens dessus-dessous dans tout, le saint et le chenapan et le hobrou et le juif de toute espèce de bétail de l'arche de Noé. De bonnes mœurs, tout chez nous est faux et pourri, personne ne sait plus vénérer, c'est à cela précisément que nous voulons échapper. Ce sont des chiens douxâtres et importuns, ils dorent les feuilles de palmier. Ce dégoût me sert à la gorge que nous, les rois, nous soyons nous-mêmes devenus faux, ornés et revêtus de vieilles défroques d'apparat jaunis de nos grands-pères. Des médailles d'exposition pour les plus bêtes et les plus malins, et pour tous ceux qui aujourd'hui font du trafic avec le pouvoir. Nous ne sommes pas les premiers, et pourtant, il faut nous faire passer pour tels. Nous en avons finalement eu assez, nous nous sommes dégoûtés de cette filouterie. Nous nous sommes détournés de la canaille, de tous ces braillards, de ces mouches à ventes plumitives, de cette puanteur des brocantes. De l'agitation de l'ambition qui gigote et se démène à la mauvaise haleine. Pouah, vivre parmi la canaille. Être considérés comme les premiers parmi la canaille. Ah, dégoût, dégoût, dégoût. En quoi pouvons-nous bien importer, nous les rois ? C'est ta vieille maladie qui te reprend, dit ici le roi qui était à gauche. Le dégoût t'assaille, mon pauvre frère, mais tu le sais bien, il y a quelqu'un qui nous écoute. Aussitôt, Zarathoustra, qui avait à ses discours ouvert les yeux et les oreilles, se dressa et sortit de sa cachette, s'approcha des rois et commença à parler ainsi. Celui qui vous écoute, celui qui aime à vous écouter, il s'appelle Zarathoustra. Je suis Zarathoustra qui a dit un jour « Que peuvent bien importer les rois ?» Pardonnez-moi, mais je me suis réjoui lorsque vous vous êtes dit l'un l'autre « Que pouvons-nous bien importer, nous les rois ?» Mais ici, c'est mon domaine, c'est moi qui commande ici. Que pouvez-vous bien venir chercher dans mon domaine ? Mais peut-être avez-vous trouvé en cours de route ce que moi je cherche, à savoir l'homme supérieur. Lorsque les rois entendirent ceci, ils se frappèrent la poitrine et dirent d'une seule voix « Nous sommes démasqués. Avec le coup d'épée de ce mot, tu tranches la plus épaisse obscurité de notre cœur. Tu as découvert notre détresse, car, ô voix, nous sommes en route pour trouver l'homme supérieur, l'homme qui est supérieur à nous, bien que nous soyons des rois. C'est à lui que nous menons cet âne. L'homme supérieur, en effet, doit aussi être le maître suprême sur terre. Il n'y a pas de plus dur malheur sur terre dans tout le destin humain que de voir les puissants sur cette terre qui ne soient pas aussi les tout premiers quant à la valeur. Alors tout devient faux et oblique et monstrueux. Et quand de plus ils sont les derniers, et les derniers plus bétail qu'humains, Alors la populace croit et croit en valeur, et enfin la vertu populaire se mettra même à dire « Voyez, je suis moi seul la vertu. » « Qu'est-ce que je viens d'entendre ?» répondit Zarathoustra. « Quelle sagesse pour des rois !»« Je suis ravi, et en vérité ça me donne envie de faire quelques petits vers là-dessus, même si cela doit devenir des vers qui ne sont pas bons pour toutes les oreilles. » Il y a longtemps que j'ai désappris à avoir des égards pour les longues oreilles. Allons, courage! Or, il arriva ici que l'âne aussi arriva à prendre la parole, et il dit clairement avec humeur « Oui ». Un jour, je crois, du salut, c'était l'an 1. La Sibylle dit, ivre 120, « Oh malheur, ça va de travers. Déclin, déclin, jamais le monde ne tomba si bas. Rome devient putain et putasserie. Le César de Rome s'est fait bétail, Dieu lui-même s'est fait juif. » Les rois se délectèrent de ces vers de Zarathoustra, mais le roi de droite dit « Ô Zarathoustra, comme nous avons bien fait de partir pour te voir. Tes ennemis, en effet, nous ont montré ton image dans leur miroir. On t'y voyait, railleur, avec une grimace satanique, de sorte que nous eûmes peur de toi. Mais à quoi bon ? Tes maximes pourtant ne cessaient de nous picoter le cœur et les oreilles. Alors nous dîmes, que peut bien importer la tête qu'il a ? Il nous faut l'entendre, lui qui enseigne. Vous devez aimer la paix comme un moyen vers de nouvelles guerres, et vous devez davantage aimer une paix courte qu'une paix longue. Jamais personne n'a prononcé des paroles aussi guerrières. Qu'est-ce qui est bon ? Être vaillant est bon. C'est la bonne guerre qui sanctifie toute chose. Ô Zarathoustra, le sang de nos pères, à ces mots s'éveille dans nos corps. C'était le discours que le printemps tient à de vieilles barriques de vin. Quand les épées se mêlaient, pareilles à des serpents tachés de rouge, alors nos pères furent heureux de vivre. Tout le soleil de la paix leur semblait tiède et fade, la longue paix leur faisait honte. Comme ils soupiraient, nos pères, quand ils voyaient le long de la muraille se dessécher des épées étincelantes. Car pareil à elles, ils avaient soif de guerre. Une épée en effet veut boire du sang, et elle en étincelle d'avidité. Comme les rois parlaient et jacassaient ainsi avec ardeur du bonheur de leur père, ce ne fut pas une petite envie qui prit Zarathoustra de se moquer de leur ardeur. Car visiblement, c'était des rois très pacifiques qu'il voyait devant lui, au visage fin et vieux. Mais il se retint. « Allons, dit-il. Le chemin mène là-bas où se trouve la caverne de Zarathoustra, et cette journée aura une longue soirée. Mais à cette heure, un cri de détresse m'éloigne en hâte de vous. » Ce sera un honneur pour ma caverne, si des rois veulent bien s'y asseoir et attendre. Mais certes, il vous faudra attendre longtemps. Mais qu'importe, où apprend-on le mieux à attendre qu'à la cour ? Et toute la vertu des rois qui leur est restée ne s'appelle-t-elle pas aujourd'hui savoir attendre ? Ainsi parlait Zarathoustra. La censure. Et Zarathoustra continua son chemin pensivement, s'enfonçant toujours plus profondément et plus loin dans les forêts et le long de fonds marécageux. Et comme il arrive à quelqu'un qui pense à des choses difficiles, il marcha par mégarde sur un homme. Et voyez, un cri de douleur alors, deux jurons et 20 graves insultes lui jaillirent au visage, de sorte que dans sa frayeur il leva son bâton et frappa encore celui sur qui il venait de marcher. Mais aussitôt il retrouva ses esprits, et son cœur rit de la folie qu'il venait de commettre. « Pardonne-moi, » dit-il à celui qui l'avait heurté et qui s'était levé plein de colère et s'était assis. « Pardonne-moi et écoute d'abord une parabole. » Comme un voyageur qui, rêvant à des choses lointaines par mégarde sur une route isolée, heurte du pied un chien endormi, un chien étendu au soleil. Comme tous deux alors sursautent, sautent l'un contre l'autre, pareil à des ennemis mortels, ces deux êtres effrayés jusqu'à la mort, ainsi en est-il advenu de nous. Et pourtant, de combien peu ne s'en est-il pas fallu pour qu'ils ne se caressent l'un l'autre, ce chien et ce solitaire ? Ne sont-ils pas tous deux des solitaires ? Qui que tu sois, dit encore plein de colère celui que Zarathoustra avait heurté du pied, tu m'atteins aussi avec ta parabole et pas seulement avec ton pied. Regarde, suis-je donc un chien ? Et là-dessus, celui qui était assis se leva en retirant son bras du marécage. Il était jusque-là, en effet, étendu de tout son long sur le sol, caché et impossible à identifier, pareil à ceux qui sont à l'affût d'un gibier des marais. « Que fais-tu donc ? » s'écria Zarathoustra, effrayé, car il voyait que beaucoup de sang coulait sur le bras nu. « Que t'est-il arrivé ? Une bête méchante t'a-t-elle mordu, malheureux ? L'homme qui saignait se mit à rire, encore en colère. « Qu'est-ce que ça peut bien te faire ?» dit-il, et il voulut continuer son chemin. « Ici, je suis chez moi, dans mon domaine, peut bien m'interroger qui veut, mais à un pâteau, je ne répondrai guère. » « Tu te trompes, » dit Zarathoustra, apitoyé en le retenant. « Tu te trompes, tu n'es pas chez toi ici, mais dans mon domaine, et à personne il ne doit y être causé le moindre dommage. Mais appelle-moi comme tu voudras, je suis celui qu'il me faut être. Moi-même, je m'appelle Zarathoustra. Allons, là-bas, le chemin grimpe vers la caverne de Zarathoustra, elle n'est pas loin. Ne veux-tu pas venir chez moi soigner tes blessures ?» Les choses allaient mal pour toi, malheureux, dans cette vie. D'abord la bête t'a mordu, puis l'homme t'a marché dessus. Mais lorsque l'homme sur qui il avait marché entendit le nom de Zarathoustra, il se métamorphosa. « Que m'arrive-t-il » s'écria-t-il. « Qui m'importe encore dans la vie, si ce n'est le seul homme, à savoir Zarathoustra et cet animal seul qui vit de sang, la sangsue. C'est à cause de la sangsue que je m'étais étendu au bord de ce marécage comme un pêcheur, et déjà mon bras étendu avait été mordu 10 fois de suite. Et voici qu'une plus belle sangsue encore m'a mordu pour sucer mon sang, Zarathoustra lui-même. Au bonheur, au miracle, béni soit ce jour qui m'a attiré dans ce marais. Béni soit cette ventouse la meilleure, la plus vivante qui vive aujourd'hui. Béni soit la grande sangsue de la conscience, nommée Zarathoustra. » Ainsi parla celui que Zarathoustra avait heurté du pied, et Zarathoustra fut réjoui de ses paroles et de leur allure fine et respectueuse. « Qui es-tu ? » demanda-t-il, et il lui tendit la main. « Il y a encore bien des choses à éclaircir entre nous et à égayer, mais déjà il me semble que cela sera une belle journée claire. » « Je suis le consciencieux de l'esprit, » répondit celui qui était interrogé. « Et dans les choses de l'esprit, il n'en est guère pour prendre les choses plus sévèrement, plus rigoureusement, plus durement que moi, à l'exception de celui-là même dont je l'appris, Zarathoustra lui-même. Mieux vaut ne rien savoir que beaucoup savoir à moitié. Mieux vaut être un bouffon à ma guise qu'un sage selon le bon plaisir d'autrui. Moi, je vais au fond des choses. Qu'importe que ce fond soit grand ou petit, qu'il s'appelle ciel ou terre. Un fond grand comme la main me suffit. S'il est vraiment et fond et sol, on peut s'y tenir debout. Dans la véritable conscience du savoir, il n'y a ni grande ni petite chose. Ainsi peut-être es-tu celui qui cherche à connaître la sangsue ? Demanda Zarathoustra. Et tu vas à la poursuite de la sangsue jusqu'à l'extrême fond, consciencieux que tu es. Ô Zarathoustra, répondit celui qui l'avait heurté du pied, ce serait quelque chose de monstrueux, comment l'oserais-je ? Mais ce dont je suis le maître et le connaisseur, c'est le cerveau de la sangsue. C'est là mon univers, et c'est un monde. Pardonne à ma fierté de prendre ici la parole, car ici je n'ai pas mon pareil. C'est pourquoi j'ai dit « ici je suis chez moi ». Voilà bien longtemps déjà que je vais à la poursuite de cette seule chose, le cerveau de la sangsue, afin que la vérité glissante et gluante ne m'échappe pas sur ce point précis. Ici est mon domaine. Pour cela, j'ai rejeté tout le reste. Tout le reste m'est devenu indifférent. Et tout près de ma science se trouve ma noire naissance. Ma conscience de l'esprit le veut ainsi que je sache une chose et que pour le reste, je ne sache pas. J'en ai horreur de tous les demi-savants, tous les nébuleux flottants, tous les exaltés. Où ma loyauté s'arrête, je suis aveugle et je veux aussi être aveugle. Mais là où je veux savoir, je veux aussi être loyal, à savoir dur, sévère, rigoureux, cruel et impitoyable. Que tu aies dit un jour, ô Zarathoustra, l'esprit est la vie qui taille elle-même au vif de la vie. Cela me séduisit et me conduisit vers ton enseignement. Et en vérité, j'ai augmenté mon savoir de mon propre sang. Comme me l'apprend apparemment ce que je vois, l'interrompit Zarathoustra, car le sang s'écoulait toujours le long du bras du consciencieux. 10 sangsues, en effet, s'y étaient fixées. Ô étrange compagnon que tu es, combien m'apprends ce que je vois là de mes yeux, à savoir toi-même? Et peut-être ne devrais-je pas tout dire à tes oreilles sévères. Allons, séparons-nous ici. Pourtant, j'aimerais bien te retrouver. Le chemin là-bas monte à ma caverne. Cette nuit, je voudrais que tu y sois mon invité bien-aimé. J'aimerais bien réparer sur ton corps l'outrage que Zarathoustra t'a fait en te foulant aux pieds. C'est à cela que je pense. Mais maintenant, un cri de détresse me force à m'éloigner de toi en hâte. Ainsi parlait Zarathoustra. Le magicien. Mais lorsque Zarathoustra contourna un rocher, il vit non loin en dessous de lui un homme qui agitait les membres en tous sens comme fou furieux et qui enfin s'effondra sur le sol, ventre contre terre. Arrête-toi, dit Zarathoustra à son cœur. Celui-là, là-bas, est à coup sûr l'homme supérieur. C'est de lui qu'est venu ce terrible cri de détresse. Je veux voir si je peux apporter mon aide. Mais lorsqu'il accourut à l'endroit où cet homme était étendu à terre, il trouva un vieillard tremblant, l'œil fixe, et quels que furent pourtant les efforts de Zarathoustra pour le faire se lever et se remettre sur ses jambes, ils furent vains. D'ailleurs, le malheureux ne semblait pas remarquer qu'il y avait quelqu'un auprès de lui. Bien plus, il ne cessait de regarder autour de lui tout en faisant des gestes touchants, comme quelqu'un abandonné par le monde entier et condamné à la solitude. Mais enfin, après avoir beaucoup tremblé, sursauté et s'être contorsionné et recroquevillé sur lui-même, il commença à se lamenter en ces termes. « Qui me chauffe et m'aime encore? Tendez-moi des mains brûlantes, donnez-moi les brasiers du cœur. » De tout mon long, frissonnant, pareil à un moribond à qui l'on chauffe les pieds. Ah, secoué par des fièvres inconnues, tremblant sous les flèches pointues et glacées du gel, pris en chasse par toi, pensée qui me vient. Toi indicible, voilé terrifiant, ô toi à l'affût derrière les nuages, foudroyé par toi, en un éclair, ton œil moqueur qui me regarde dans l'obscurité, me voici étendu ainsi. Je me tords, je me convulse, torturé par tous les martyrs éternels, atteint par toi, chasseur le plus cruel, toi, Dieu inconnu. Frappe, va plus profond, frappe une fois encore, lacère, brise ce cœur. Pourquoi martyriser avec des flèches épointées? Pourquoi me regardes-tu encore? Jamais fatigué du tourment des hommes, de tes yeux divins qui foudroient, contents d'infliger la souffrance. Ah, tu te faufiles vers moi. À l'heure de ce minuit, que veux-tu? Parle. Tu me forces, m'oppresses. Ah, tu es trop près. Trop près. Va-t'en. Va-t'en. Tu m'entends respirer. Tu écoutes mon cœur. Jaloux que tu es. Jaloux pourtant de quoi? Va-t'en. Pourquoi cette échelle? Veux-tu entrer dedans, dans le cœur? Monter, entrer dans mes plus secrètes pensées? Y entrer? Imprudent. Voleur. Inconnu. Que veux-tu donc voler? Que veux-tu donc écouter? Que veux-tu obtenir par la torture, tortionnaire que tu es? Dieu bourreau que tu es! Où dois-je, pareil au chien, me vautrer sur le sol devant toi? Tout abandon, enthousiasme, hors de moi! Dois-je agiter la queue pour te dire mon amour? C'est en vain. Pique donc, pique encore, pointe très cruelle. Non, pas ton chien. Je ne suis que ton gibier, chasseur le plus cruel, ton prisonnier le plus fier. Toi le voleur derrière les nuages, parle enfin! Que veux-tu, bandit de grand chemin? Que veux-tu de moi? Toi que l'éclair cache, inconnu, parle. Que veux-tu, Dieu inconnu? Quoi? Une rançon? Que veux-tu faire d'une rançon? Exige beaucoup, c'est ce que conseille ma fierté, et parle peu, c'est ce que conseille mon autre fierté. Ah, c'est moi. Que veux-tu? Moi. Moi tout entier? Ah. Tu me martyrises, fou que tu es. Tu martyrises ma fierté. Donne-moi de l'amour. Qui va donc me réchauffer? Qui m'aime encore? Tends tes mains chaudes. Donne le brasier du cœur. Donne-le-moi, à moi le plus solitaire. Ah, cette couche de glace font brûler du désir l'ennemi. Oui, de l'ennemi. Donne-toi, abandonne-toi. Très cruel ennemi, abandonne-toi, à moi. Parti. Le voilà lui-même envolé. Mon dernier et seul compagnon. Mon grand ennemi, mon inconnu. Mon dieu bourreau. Non. Reviens, avec tous tes supplices, auprès du dernier de tous les solitaires. Oh, reviens. Tous mes ruisseaux de larmes dirigent leur course vers toi. Et la dernière flamme de mon cœur, c'est pour toi qu'elle rougeoie et s'élève. Oh, reviens, mon Dieu inconnu, ma douleur, mon dernier bonheur. Mais ici, Zarathoustra ne put y tenir plus longtemps. Il prit son bâton et de toutes ses forces, il se mit à frapper celui qui se lamentait. « Arrête !» lui cria-t-il avec un air courroucé. « Arrête, comédien que tu es, faux monnayeur, menteur par nature. Je te reconnais bien. Je vais te réchauffer les jambes, tu vas voir, magicien de malheur. Je m'y entends bien à montrer de quel bois je me chauffe à des individus de ton espèce. »« Bon, ça va, » dit le vieil homme en se levant d'un bond. « Ne me frappe plus, ô Zarathoustra. Je n'ai fait tout cela que par jeu. Cela fait partie de mon art. Mais toi-même, je voulais te mettre à l'épreuve lorsque je te donnais cette petite preuve. Et en vérité, tu m'as bien percé à jour. Mais toi aussi, tu m'as donné une preuve de toi-même qui n'est pas rien. Tu es dur, sage Zarathoustra. Tu frappes durement avec tes vérités. Ton gourdin me force à dire cette vérité. Ne me flatte pas, répondit Zarathoustra, encore irrité, le regard sombre. Comédien par nature que tu es faux. Que parles-tu de vérité? Pan entre les pans, océan de fatuité. Qu'as-tu à jouer devant moi, magicien de malheur? En qui devrais-je croire lorsque tu te lamentais de cette sorte? Le pénitent de l'esprit, dit le vieil homme. C'est lui que je jouais. C'est toi-même qui as inventé jadis ce mot. Je jouais le poète et magicien qui tourne enfin son esprit contre lui-même, le métamorphosé qui meurt de froid de sa mauvaise science et de sa mauvaise conscience. Et avoue-le donc, il t'a fallu longtemps pour percer à jour mon art et mes mensonges. Tu as cru en ma détresse lorsque tu m'as tenu la tête des deux mains. Je t'entendais te lamenter. On l'a trop peu aimé, on l'a trop peu aimé. Que j'ai pu te tromper à ce point, ma méchanceté intérieurement en a été toute ravie. Tu peux bien en avoir trompé de plus malin que moi, dit Zarathoustra avec dureté. Je ne me méfie pas des escrocs. Il me faut être dépourvu de prudence. C'est ainsi que le veut mon destin. Mais toi, il te faut tromper. Je te connais suffisamment. Il faut toujours que tu sois à deux, trois, quatre, cinq facettes. Même ce que tu as confessé maintenant ne m'était de loin pas assez vrai et pas assez faux. Faux monnayeur de malheur, comment pourrais-tu faire autrement? Tu trouverais encore le moyen de farder ta maladie si tu te montrais tout nu à ton médecin. De même, tu viens de farder devant moi ton mensonge lorsque tu as dit « Je n'ai fait cela que par jeu. Il y avait du sérieux dedans. Tu as quelque chose du pénitent de l'esprit. Je t'ai deviné. Tu devins l'enchanteur de tous. Mais à l'égard de toi-même, il ne te reste plus ni mensonge ni ruse. Toi-même, tu es désenchanté pour toi-même. Tu as recueilli le dégoût comme ton unique vérité. Il n'y a plus un mot d'authentique en toi, mais ta bouche l'est, à savoir le dégoût qui colle à ta bouche. « Qui es-tu donc ?» s'écria ici le vieux magicien d'une voix pleine de défis. « Qui a le droit de me parler ainsi à moi, le plus grand qui vive aujourd'hui ?» Et de ses yeux, un éclair vert jaillit en direction de Zarathoustra. Mais tout de suite après, il se transforma et dit tristement « Zarathoustra, je suis fatigué de tout cela. Mes artifices me dégoûtent. Je ne suis pas grand, pourquoi faire semblant ? Mais tu le sais bien, je cherchais la grandeur. Je voulais représenter un grand homme, et j'en persuadais beaucoup. » Mais ce mensonge a dépassé mes forces et je m'y brise. Zarathoustra, tout est mensonge en moi, mais que je me brise, ma brisure est authentique. Cela t'honore, dit Zarathoustra d'un air sombre et regardant de côté vers le sol. Cela t'honore d'avoir cherché la grandeur, mais cela te trahit aussi, tu n'es pas grand. Vieux magicien de malheur, c'est cela qu'il y a de meilleur et de plus sincère en toi que j'honore, que tu sois devenu là de toi-même. Et que tu l'aies exprimé, je ne suis pas grand. C'est en cela que je t'honore, en tant que pénitent de l'esprit. Et même si cela ne dura que l'espace d'un clin d'œil, à cet instant-là, tu as été vrai. Mais parle, que cherches-tu ici dans mes forêts, mes rochers? Et si tu te mets sur mon chemin, quelle épreuve voulais-tu de moi? En vue de quoi m'as-tu tenté? Ainsi parlait Zarathoustra et ses yeux étincelaient. Le vieux magicien se tut quelques instants, puis il dit: t'ai-je tenté? Je ne faisais que chercher. Oh Zarathoustra, je cherche un homme authentique, droit, simple, sans équivoque, un homme de toute droiture, un vase de sagesse, un saint de la connaissance, un grand homme. Ne le sais-tu pas, oh Zarathoustra, que je cherche Zarathoustra? Ne le sais-tu pas, oh Zarathoustra? Je cherche Zarathoustra. Et ici, il y eut un long silence entre deux. Zarathoustra s'abîma profondément en lui-même, de sorte qu'il ferma les yeux. Mais ensuite, revenant à son interlocuteur, il prit la main du magicien et dit, plein de gentillesse et de ruse, « Allons, voici là-bas le chemin qui monte à la caverne de Zarathoustra. Tu peux y aller chercher celui que tu aimerais trouver. Et demande conseil à mes animaux, à mon aigle et à mon serpent, qu'ils t'aident à chercher. Mais ma caverne est grande. Moi-même, il est vrai, je n'ai pas encore vu de grand homme. Pour ce qui est grand, même l'œil de ceux qui sont les plus fins est aujourd'hui grossier. » C'est le règne de la populace. J'en ai vu plus d'un s'étirer et se gonfler, et le peuple s'écriait : « Voyez, regardez, un grand homme !» mais que peuvent bien y faire tous les soufflets de forge. À la fin, le vent en sort tout de même. À la fin, la grenouille éclate qui s'est enflée trop longtemps. Le vent s'en échappe. Crever le ventre de celui qui s'enfle. J'appelle ça un gentil petit amusement. Vous entendez ça, les garçons? C'est aujourd'hui et celui de la populace. Qui donc qui sait encore ce qui est grand et ce qui est petit? Qui, avec bonheur, a cherché là la grandeur? Un fou seul. Seul un fou y parvient. Tu cherches le grand homme, étrange fou que tu es. Qui te l'a appris? Est-ce le temps aujourd'hui pour cela? Ô chercheur de malheur, que me tentes-tu? Ainsi parlait Zarathoustra, le cœur consolé, et il continua son chemin en riant. Hors service. Mais pas très longtemps après s'être débarrassé du magicien, il vit encore quelqu'un assis au bord du chemin qu'il suivait. Un homme noir et très grand avec un visage pâle, décharné. Zarathoustra en fut terriblement indisposé. « Malheur, » dit-il à son cœur, « ce qui est assis là, c'est de l'affliction masquée. Ce me semble être de l'espèce des prêtres. Que veulent-ils dans mon domaine, cela? Comment, à peine ai-je échappé à ce magicien qu'il me faut trouver sur mon chemin à un autre nécromant, un quelconque sorcier, faisant des apparitions de mains, un noir thaumaturge par la grâce de Dieu, un calomniateur du monde, ou un et consacré que le diable emporte. » Mais le diable n'est jamais là où il devrait être. Toujours il vient trop tard, ce nain maudit, ce pied bourre. Ainsi jurait Zarathoustra avec impatience dans son fort intérieur, et il se demandait comment se faufiler pour éviter cet homme, en détournant le regard. Or voici qu'il en alla tout autrement. Au même instant déjà, l'homme assis l'avait aperçu. Et assez semblable à qui survient un bonheur insoupçonné, il sauta sur ses pieds et alla vers Zarathoustra. « Qui que tu sois, voyageur, » dit-il, « aide un égaré qui cherche aide. » Un vieil homme à qui il pourrait facilement ici arriver malheur. Ce monde ici m'est étranger et inconnu. De plus, j'ai entendu hurler les bêtes sauvages. Et celui qui aurait pu m'offrir sa protection, celui-ci n'est plus. Je cherchais le dernier homme pieux, un saint et un ermite, qui seul dans sa forêt n'aurait pas encore entendu ce que tout le monde aujourd'hui sait. Que sait donc aujourd'hui tout le monde? Demanda Zarathoustra. Est-ce ceci, que le vieux Dieu ne vit plus, et en qui jadis tout le monde avait cru? « Tu l'as dit, » répondit le vieil homme attristé. « J'ai servi ce vieux dieu jusqu'à mon heure dernière. Maintenant me voici hors service, sans maître, et pas libre pourtant, et sans connaître une heure de joie, si ce n'est celle du souvenir. C'est à cette fin que je suis monté dans ces montagnes, afin de me taire enfin, à nouveau, une fête comme il sied à un vieux pape et un vieux père de l'Église, car sache-le, je suis le dernier pape. Une fête pleine de souvenirs pieux et de culte divin. Or le voilà qui est lui-même mort, l'homme le plus pieux. Ce saint dans la forêt qui ne cessait de louer Dieu en chantant et en fredonnant. Lui-même, je ne le trouvais plus lorsque je trouvais sa cabane, mais deux loups qui hurlaient à sa mort, car tous les animaux l'aimaient, alors j'ai pris la fuite. Suis-je donc venu en vain dans ces forêts et ces montagnes? Alors mon cœur résolut d'en chercher un autre, le plus pieux de tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Je résolus de chercher Zarathoustra. Ainsi parla le vieillard, et il regarda sévèrement celui qui se tenait devant lui. Mais Zarathoustra prit la main du vieux pape et la contempla longtemps avec admiration. « Regarde donc, vénérable, » dit-il ensuite. « Quelle belle et bonne main. C'est la main de quelqu'un qui a toujours donné ses bénédictions. Or, elle tient maintenant celui que tu cherches. Moi, Zarathoustra. C'est moi, Zarathoustra. L'impie, le sans-dieu qui dit, qui est encore plus sans-dieu que moi, que je me réjouisse de son enseignement. » Ainsi parlait Zarathoustra, et de ses regards, il perçait à jouir les pensées et les arrière-pensées du vieux pape. Enfin, celui-ci commença en ces termes. Celui qui l'aimait le plus et le possédait le plus, c'est celui-là aussi qui l'a perdu le plus. Vois, de nous deux, qui est le plus en Dieu. Mais qui pourrait s'en réjouir? Tu l'as servi jusqu'au bout, demanda Zarathoustra pensivement, après un long silence. Sais-tu comment il est mort? Il est vrai, ce que l'on dit, que la pitié l'a étranglé, qu'il a vu l'homme pendre à la croix et qu'il ne l'a pas supporté? Que l'amour pour l'homme devint son enfer et enfin sa mort? Le vieux pape ne répondit pas, mais regarda de côté avec une expression douloureuse et sombre. Laisse-le, ne t'occupe plus de lui, dit Zarathoustra après un long temps de réflexion, sans cesser de regarder le vieil homme droit dans les yeux. Laisse-le, ne t'occupe plus de lui, C'en est fini de lui. Et même si cela t'honore de ne dire que du bien de ce mort, tu sais aussi bien que moi qui il était et qu'il suivrait d'étranges chemins. Pour parler entre trois yeux, dit le vieux pape devenu gai car il était aveugle d'un œil, pour ce qui concerne Dieu, je suis plus au fait que Zarathoustra lui-même, et j'ai le droit de l'être. Mon amour l'a servi de longues années, ma volonté a suivi en tout sa volonté. Mais un bon serviteur sait tout, et aussi certaines choses que son maître se cache à lui-même. C'était un dieu caché, plein de choses cachées. En vérité, même son fils, ce n'est que par des voies tortueuses qu'il l'a eu. À la porte de sa foi se tient l'adultère. Celui qui le chante comme le dieu de l'amour ne se fait pas une assez haute idée de l'amour lui-même. Ce dieu ne voulait-il pas être lui aussi un juge ? Mais celui qui aime vit par-delà le salaire et la vengeance. Quand il était jeune, ce dieu d'Orient, il était dur et vindicatif. Et il s'est construit un enfer pour le plaisir de ses favoris. Enfin, il devient vieux et mou et blais et pitoyable, plus semblable à un grand-père qu'à un père, mais semblable surtout à une vieille grand-mère tremblotante. Il était assis là, dans son coin, près du poêle, se désolant de ses jambes trop faibles, fatigué du monde, fatigué de vouloir, s'étouffant un beau jour de sa trop grande compassion. « Toi, vieux pape, l'interrompit Zarathoustra, l'as-tu de tes yeux vu ?» Cela pourrait bien s'être passé ainsi, comme ça et aussi autrement. Quand les dieux meurent, ils meurent toujours de plusieurs sortes de morts. Mais allons, comme ça ou comme si, ou comme ça encore, il n'est plus. Il n'était pas du goût de mes oreilles ou de mes yeux. Je n'aimerais pas en dire des choses pires. J'aime tout ce qui a le regard clair et qui parle loyalement. Mais lui, tu le sais, vieux prêtre, il y avait quelque chose en toi de lui, quelque chose du prêtre. Et il était ambigu. Il était confus aussi. Que ne s'est-il mis en colère contre nous, lui qui fulminait de rage de ce que nous le comprenions mal? Mais pourquoi ne s'est-il pas exprimé plus nettement? Et si cela venait de nos oreilles, pourquoi alors nous a-t-il donné des oreilles qui entendent mal? S'il y avait de la boue dans nos oreilles, très bien. Qui donc l'y a mise? Il a trop raté de choses, ce potier qui n'a pas fini son apprentissage. Mais qu'il se soit vengé sur ses peaux et sur ses créatures de ce qu'il les ait mal réussi, cela fut un péché contre le bon goût. Même dans la piété, il y a du bon goût. C'est lui, enfin, qui a dit « Débarrassons-nous d'un tel dieu. Mieux vaut pas de dieu du tout, mieux vaut faire son propre destin par soi-même, mieux vaut être fou, être dieu soi-même. » « Qu'entends-je ? » dit ici le vieux pape, les oreilles dressées. « Ô Zarathoustra, tu es plus pieux que tu ne le crois avec toute ton absence de foi. Quelque dieu en toi t'a converti à ton impiété. N'est-ce pas ta piété elle-même qui ne te fait plus croire en un dieu ? Et ta part trop grande sincérité finira bien par te conduire par-delà le bien et le mal. Regarde donc, que t'a-t-il été ménagé ? Tu as des yeux, des mains et une bouche. De toute éternité, ils sont destinés à donner la bénédiction. On ne bénit pas seulement avec la bouche. Près de toi, quoique tu veuilles être le plus impie, je subodore une secrète odeur d'encens, le parfum de longues bénédictions, et à les sentir, je me sens bien et triste. Laisse-moi être ton esprit, ô Zarathoustra. Pour une seule nuit, nulle part sur terre je ne me sentirai mieux qu'auprès de toi. Amen. Qu'il en soit ainsi, parla Zarathoustra plein d'un grand étonnement. Le chemin monte là-bas, c'est là que se trouve la caverne de Zarathoustra. Volontiers, il est vrai, je t'y conduirai moi-même, homme vénérable, car j'aime tous les hommes pieux. Mais à présent, un cri de détresse m'éloigne de toi en toute hâte. Dans mon domaine, il ne doit arriver de dommage à personne. Ma caverne est un bon port. Et ce que je préférerais, c'est remettre tous ceux qui sont tristes sur la terre ferme et sur leurs jambes. Mais qui pourrait décharger tes épaules de ta mélancolie? Moi, je suis trop faible pour cela. Nous pourrions attendre longtemps jusqu'à ce que quelqu'un réveille à nouveau ton dieu. Ce vieux dieu, en effet, ne vit plus. Il est tout ce qu'il y a de plus mort. Ainsi parlait Zarathoustra. L'être humain le plus laid. Et de nouveau les pieds de Zarathoustra coururent à travers monts et forêts, et ses yeux cherchaient et cherchaient, mais nulle part n'était visible celui qu'il voulait voir, le grand souffrant, celui qui poussait le grand cri de détresse. Mais tout le long du chemin, il fut tout joyeux dans son cœur et il était reconnaissant. Quelle bonne chose, dit-il, m'a donné ce jour en dédommagement de son mauvais début. Quels étranges interlocuteurs n'ai-je pas trouvés? Je veux maintenant longtemps remâcher leurs propos comme l'on remâche de bonnes graines, que mes dents les concassent et les réduisent, jusqu'à ce qu'il coule dans mon âme comme du lait. Mais comme le chemin tournait autour d'un rocher, le paysage tout à coup changea et Zarathoustra entra dans le royaume de la mort. Il s'y dressait des falaises noires et rouges, pas d'herbe, pas d'arbres, pas de chants d'oiseaux. C'était en effet une vallée que tous les animaux évitaient, même les bêtes de proie. Seule une espèce d'horrible et gros serpent vert y venait pour y mourir. C'est pourquoi les bergers appelaient cette vallée la mort aux serpents. Mais Zarathoustra s'enfonça dans de noirs souvenirs, car il avait l'impression de s'être déjà trouvé dans cette vallée, et beaucoup de choses lourdes s'appesantirent sur son esprit, de sorte qu'il marchait lentement, toujours plus lentement, pour s'arrêter enfin. Mais alors il vit, ouvrant les yeux, quelque chose assis au bord du chemin, quelque chose qui avait forme humaine et était à peine humain, quelque chose d'innommable. Et d'un coup la grande honte s'empara de Zarathoustra d'avoir vu une telle chose de ses propres yeux. Rougissant jusqu'à la hauteur de ses cheveux blancs, il détourna le regard et leva le pied pour quitter cet endroit terrible. Mais alors le désert mort s'anima. Du sol, en effet, quelque chose sourdait, gargouillant et haletant, comme l'eau la nuit gargouille et halète à travers les tuyaux trébuchés. Et à la fin, il en sortit une voix humaine, un discours humain. Cette voix disait « Zarathoustra, devine mon énigme. Parle, parle. Quelle est la vengeance contre le témoin? Je t'attire en arrière. Ici, il y a de la glace vive. Prends garde que ta fierté ne s'y brise pas les jambes. Tu te crois sage, fier Zarathoustra. Alors résous donc l'énigme. Toi qui tends à casser les noix les plus dures. L'énigme, c'est moi, alors dis-le donc. Qui suis-je ? » Mais lorsque Zarathoustra eut entendu ces mots, que croyez-vous qu'il advint à son âme ? La pitié l'assaillit, et il s'effondra d'un coup comme un chêne qui a longtemps résisté à beaucoup de bûcherons, lourdement, soudainement, à la grande terreur même de ceux qui le voulaient abattre. Mais déjà le voici qui se relevait et son visage se fit dur. « Je te reconnais bien, » dit-il d'une voix d'airain. « Tu es le meurtrier de Dieu. Laisse-moi partir. Tu ne supportas pas celui qui te vit toujours et qui du regard te traverse de part en part. Toi, l'homme le plus hideux, tu t'es vengé de ce témoin. » Ainsi parlait Zarathoustra et il voulut passer. Mais l'être innommable attrapa un pan de son vêtement et commença à gargouiller de nouveau et à chercher ses mots. « Reste, reste, » dit-il enfin. « Reste, ne passe pas. J'ai deviné quel cognier t'a jeté à terre. Salut à toi, ô Zarathoustra, qui est de nouveau debout. Tu as deviné, je le sais bien, ce qui peut se passer dans l'âme de celui qui t'a tué, le meurtrier de Dieu. Reste. Assieds-toi ici auprès de moi. Ce n'est pas en vain. Vers qui voulais-je aller si ce n'est vers toi? Reste, assieds-toi. Mais ne me regarde pas. Honore ainsi ma laideur. Ils me poursuivent. Tu es maintenant mon seul refuge. Ils ne me poursuivent pas de leur haine, ils ne me poursuivent pas de leurs sbires. Oh, je me moquerais d'une telle poursuite, j'en serais fier et joyeux. Tout succès ici ne se trouvait-il pas du côté de ceux que l'on poursuivait? Et celui que l'on poursuit bien, celui-là apprend à bien suivre, pourvu qu'il soit une fois derrière. Mais c'est leur pitié. C'est leur pitié que je fuis, devant laquelle je m'enfuis. Ô Zarathoustra, protège-moi, toi mon dernier refuge. Toi le seul à me deviner. Tu as deviné ce qui se passe dans l'âme de celui qui le tuait. Reste. Et si tu veux t'en aller, impatient que tu es, ne suis pas le chemin que j'ai pris. Ce chemin est mauvais. M'en veux-tu de radoter et de bafouiller si longtemps déjà, que déjà je te donne des conseils? Mais sache-le, c'est moi, l'homme le plus hideux. C'est aussi celui qui a les pieds les plus grands et les plus lourds. Là où je passais, le chemin est mauvais. Je défonce et abîme tous les chemins. Mais que tu sois passé devant moi en silence et que tu aies rougi, je le vis bien. À cela, je te reconnus pour être Zarathoustra. Tout autre m'aurait jeté son aumône, sa pitié, avec un regard et des discours. Mais pour cela, je ne suis pas suffisamment mendiant. Cela, tu l'as deviné. Pour cela, je suis trop riche en grandes et terribles choses, en choses les plus hideuses et les plus innombrables. Ta honte, ô Zarathoustra, m'a honoré. À grand-peine, je me suis sorti de la cohue de ceux qui étaient pleins de pitié. Afin que je trouve le seul qui enseigne aujourd'hui la pitié est importune, toi, ô Zarathoustra. Que ce soit la pitié d'un dieu ou la pitié des hommes, la pitié est contraire à la pudeur, et ne pas vouloir aider peut être plus noble que cette vertu qui vole au secours. Cela aujourd'hui s'appelle vertu même chez les petites gens. Ceux-là n'ont pas de respect pour un grand malheur, pour une grande laideur, pour un grand ratage. Je regarde par-dessus tout cela, comme un chien regarde et domine du regard le dos grouillon de troupeaux de moutons. Ce sont de petites gens, prises de bonne laine et de bonne volonté, dociles et bienveillants. Tout comme le héron regarde plein de mépris par-dessus les étangs plats, la tête en arrière. De même, moi, je regarde par-dessus le grouillement de petites vagues, de petites volontés et de petites âmes grises. On leur a trop longtemps donné raison à ces petites gens. Ainsi leur a-t-on donné enfin le pouvoir et les voilà qui enseignent « N'est bon que ce que les petites gens estiment bon. » Et « vérité » est aujourd'hui ce qu'a dit le prédicateur, qui est lui-même issu d'entre eux, cet étrange saint, cet étrange avocat des petites gens, qui témoignait de lui-même en disant « Je suis la vérité. » Cet immodeste depuis longtemps déjà fait se bouffir de leur importance les petites gens. Lui qui n'enseignait pas une petite erreur lorsqu'il enseignait « Je suis la vérité ». A-t-on jamais répondu plus poliment à quelqu'un d'immodeste ? Mais toi, ô Zarathoustra, tu es passé auprès de lui et tu as dit « Non, non, trois fois non ». Tu as mis en garde contre son erreur, tu as mis en garde le premier contre la pitié. Ce n'est pas tous que tu as mis en garde, ce n'est pas non plus aucun. C'est toi que tu mis en garde et ceux qui sont de ta sorte. Tu as honte de la honte des grands souffrants. Et en vérité, quand tu dis « De la pitié vient un grand nuage, prenez garde, vous les êtres humains. Quand tu enseignes, tous les créateurs sont durs, tout grand amour est au-dessus de leur pitié. Ô Zarathoustra, tu me sembles avoir vraiment bien compris les signes du temps qu'il va faire. Mets-toi-même, mets-toi en garde contre ta pitié. Car il y en a beaucoup qui sont en route pour aller vers toi. Beaucoup de gens qui souffrent, qui doutent, qui désespèrent, qui se noient et qui ont froid. Je te mets en garde aussi contre moi. Tu as deviné mon énigme, la meilleure et la pire. Tu m'as deviné moi-même et ce que j'ai fait. Je connais la cognée qui peut t'abattre. Mais lui, il lui fallait mourir. Il voyait avec des yeux qui voyaient tout. Il voyait les profondeurs et les fonds des hommes. Toute leur ignominie et toute leur laideur. Sa pitié ne connaissait pas la honte. Il se faufilait jusque dans mes recoins les plus malpropres. Ce curieux d'entre les curieux, ce surimportant. Ce surcompatissant, il lui fallait mourir. Il me voyait toujours, moi. Je voulais avoir ma vengeance contre un tel témoin, ou ne vivre pas. Le Dieu qui voyait tout, même l'homme, ce Dieu, il lui fallut mourir. L'homme ne supporte pas qu'un tel témoin vive. Ainsi parlait l'homme le plus laid. Mais Zarathoustra se leva et se mit en devoir de s'en aller, car il avait froid jusqu'au sein de ses entrailles. Innommable que tu es, dit-il. Tu m'as mis en garde contre ton chemin. En remerciement, je te dis les louanges du mien. Regarde, là-haut se trouve la caverne de Zarathoustra. Ma caverne est grande et profonde, et elle contient beaucoup de recoins. Même celui qui est le plus caché y trouve sa cachette. Et tout près d'elle se trouve 100 cachettes où glisser et se tapir pour toutes sortes d'animaux rampants, volants et sautants. Toi, le rejeté, qui t'es toi-même rejeté, ne veux-tu pas séjourner parmi les hommes et la pitié des hommes ? Allons, fais comme moi. Alors tu apprendras aussi quelque chose de moi. Seul celui qui agit apprend. Et parle d'abord, avant toute chose, avec mes animaux, l'animal le plus fier et l'animal le plus intelligent. Ils pourraient bien être les vrais conseilleurs qu'il nous faut. Ainsi parlait Zarathoustra et il poursuivit son chemin, plus pensif et plus lentement qu'auparavant, car il se demandait beaucoup de choses et ne savait pas facilement s'apporter de réponse à lui-même. Que l'homme est pauvre, pensait-il dans son cœur. Qu'il est laid, râlant, qu'il est plein d'une honte secrète. On me dit que l'homme s'aime lui-même. Ah, combien grand doit être cet amour de soi-même, que de mépris il a contre lui. Celui-là, là-bas, lui aussi s'aimait, tout comme il se méprisait. Il est, je trouve, un grand vivant et un grand mépriseur. Je n'en ai jamais trouvé encore qui se soit plus profondément méprisé. Cela aussi est quelque chose d'élevé. Oh, douleur! Était-ce celui-là, peut-être, l'homme supérieur dont j'entendais le cri ? J'aime ceux qui sont pleins d'un grand mépris, mais l'homme est quelque chose qu'il faut surmonter. Le mendiant volontaire. Quand Zarathoustra eut quitté l'homme le plus laid, il eut froid, et il se sentit bien seul. Bien des choses froides et solitaires lui traversaient, en effet, l'esprit, de sorte que ses membres aussi en devenaient plus froids. Mais pendant qu'il allait toujours plus loin, montant, descendant, passant tantôt le long de vertes prairies, tantôt sur des terrains pierreux et sauvages où jadis sûrement un ruisseau impatient avait fait son lit, alors tout à coup il eut plus chaud et son cœur fut réconforté. Que m'est-il donc arrivé ? Se demandait-il. Quelque chose de chaud et de vivant me réconforte. Cela se trouve sûrement à proximité. Déjà je me sens moins seul. Des compagnons et des frères inconscients m'entourent. Leur souffle chaud touche mon âme. Mais comme il regarda attentivement autour de lui et cherchait des yeux les consolateurs de sa solitude, voyez, c'étaient des vaches, qui se tenaient l'une près de l'autre sur un petit monticule. Leur proximité et leur odeur avaient réchauffé son cœur. Mais ces vaches semblaient assidûment écouter quelqu'un qui discourait, et elles ne prêtaient pas attention à celui qui approchait. Mais quand Zarathoustra fut parvenu tout près d'elles, il entendit distinctement une voix humaine sortir d'entre le rassemblement des vaches. Et il était visible qu'elles avaient toutes tourné leur tête vers celui qui parlait. Alors Zarathoustra monta à grands pas et dispersa les animaux car il craignait qu'un malheur fût arrivé à quelqu'un, à quoi la pitié des vaches pouvait difficilement remédier. Mais en cela il s'était trompé. Car voyez, un homme était assis sur le sol et il semblait tenir un discours à ses bêtes pour les convaincre de ne pas avoir peur de lui. Un homme pacifique et un prédicateur de la montagne dans le regard duquel la bonté elle-même prêchait. « Que cherches-tu ici ? » demanda Zarathoustra, étonné. « Ce que je cherche ici, répondit-il, la même chose que ce que tu cherches, toi, trouble fait que tu es, à savoir le bonheur sur terre. Mais pour cela, j'aimerais apprendre de ces vaches. Car le sais-tu bien, depuis une demi-matinée déjà, je leur parlais, et justement, elles étaient sur le point de me renseigner. Pourquoi donc les déranges-tu ? Aussi longtemps que nous ne rebrousserons pas chemin, et que nous ne deviendrons pas tels que ces vaches, nous n'entrerons pas au royaume des cieux. En effet, il y a une chose que nous devrions apprendre d'elle, à ruminer. Et en vérité, l'homme gagnerait-il le monde, et s'il n'apprenait pas cette seule chose, ruminer, qu'est-ce que cela lui ferait ? Il ne se débarrasserait pas de son affliction, sa grande affliction. Mais aujourd'hui, elle se nomme dégoût. Qui n'en a pas par-dessus le cœur, la bouche et les yeux de dégoût ? Même toi. Mais regarde-les donc, ces vaches. Ainsi parlait le prédicateur sur la montagne, et il tourna alors son propre regard vers Zarathoustra, car jusqu'à maintenant il restait fixé, plein d'amour, sur les vaches. Mais alors il se transforma. « Qui est celui avec qui je parle ? » s'écria-t-il, effrayé, et d'un bond il se leva du sol. C'est l'homme sans dégoût. Celui-ci, c'est Zarathoustra lui-même, le triomphateur du grand dégoût. Ceci est l'œil, ceci est la bouche, mais ceci est le cœur de Zarathoustra lui-même. En parlant ainsi, il embrassa les mains de celui à qui il s'adressait, les yeux noyés, et il se comportait tout à fait comme quelqu'un à qui un cadeau précieux ou un joyau tombe inopinément du ciel. Mais les vaches regardaient tout cela et s'étonnaient. « Ne parle pas de moi, homme étrange, homme aimable que tu es, » dit Zarathoustra en se défendant contre sa tendresse. « Parle-moi d'abord de toi. N'es-tu pas le mendiant volontaire qu'un jour a rejeté loin de lui une grande richesse ? Qui eut honte de sa richesse et des riches et qui s'enfuit vers les plus pauvres pour leur faire don de son trop-plein et de son cœur. Mais ils ne l'ont pas accepté. Mais ils ne m'acceptèrent pas, dit le mendiant volontaire, tu le sais bien. Aussi suis-je allé en fin de compte auprès des animaux et auprès de ces vaches. Là, tu as pris, interrompit Zarathoustra. Combien il est plus difficile de bien donner que de bien recevoir, et que bien faire des dons est un art. Et l'art le plus rusé, le maître art, suprêmement rusé de la bonté. Surtout aujourd'hui, répondit le mendiant volontaire. Aujourd'hui, en effet, où tout ce qui est bas entre en rébellion et se fait timide et courtisan à sa façon, à savoir la façon de la populace. Car l'heure est venue, tu le sais bien, de la grande, de la terrible, de la lente, de la longue insurrection de la populace et des esclaves. Elle grandit et grandit. Maintenant, tout bienfait, tout petit don, indignes ceux qui sont en bas, et il faut que ceux qui sont trop riches soient sur leur garde. Celui qui s'égoutte, aujourd'hui, pareil à des bouteilles ventrues par des cols trop étroits. À de telles bouteilles on aime, aujourd'hui, briser le col. Une cupidité lubrique, une jalousie bielleuse, un désir de vengeance retors, la fierté populacière. Tout cela me sauta au visage. Il n'est plus vrai que les pauvres soient heureux, mais le royaume des cieux est parmi les vaches. « Et pourquoi n'est-il pas auprès des riches ?» demanda Zarathoustra, « pour l'éprouver, pendant qu'il s'éloignait des vaches qui, familièrement, soufflaient à la figure de ce débonnaire. « Qu'as-tu à me tenter ?» répondit celui-ci. « Tu le sais toi-même encore mieux que moi. Qu'est-ce qui m'a poussé vers les pauvres aux Zarathoustra ? N'était-ce pas le dégoût de nos plus riches ? Le dégoût des forçats de la richesse qui ramassent leur avantage dans les moindres balayures, les yeux froids et les pensées pleines de lubricité. Le dégoût de cette canaille dont la puanteur s'élève jusqu'au ciel. Le dégoût de cette populace couverte de dorures, falsifiées, dont les pères furent des voleurs aux doigts crochus, des charognards ou des chiffonniers, complaisants aux femmes, lubriques, oublieux. D'eux à la putain, il n'y a pas loin. Populace en haut, populace en bas. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, pauvre et riche ? Cette différence, je l'ai désapprise, alors j'ai fui, loin, toujours plus loin, jusqu'à venir auprès de ces vaches. Ainsi parla le débonnaire, et il se mit lui-même à souffler et à transpirer en disant ces mots, de sorte qu'à nouveau les vaches furent frappées d'étonnement. Mais Zarathoustra ne cessait de le regarder en souriant pendant qu'il parlait si durement et secouait la tête en silence. « Tu te fais violence à toi-même, prédicateur sur la montagne, quand tu emploies des mots aussi durs. » Ta bouche et tes yeux ne sont pas faits pour une telle dureté. Pas même, comme il me semble, ton ventre. Une telle colère, une telle haine, une telle rage écumante lui répugne. Ton estomac veut des choses plus douces. Tu n'es pas un boucher. Tu me sembles plutôt homme à te nourrir de plantes et de racines. Peut-être écrases-tu des graines. Certes, tu es ennemi des joies carnivores et tu aimes le miel. Tu m'as bien deviné. Répondit le mendiant volontaire, le cœur soulagé. « J'aime le miel et j'écrase aussi des graines, car je cherchais ce qui a bon goût et rend la laine pure. Je recherchais aussi ce qui a besoin de beaucoup de temps et qui occupe des jours entiers les mâchoires des doux flâneurs et des doux fainéants. Ce sont, certes, ces vaches qui sont allées le plus loin quand elles ont inventé de ruminer et de rester couchées au soleil. Aussi s'abstiennent-elles de toutes les pensées pesantes qui gonflent le cœur. « Allons, » dit Zarathoustra. « Tu devrais aussi voir mes animaux, mon aigle et mon serpent. Ils n'ont pas leur pareil aujourd'hui sur terre. Vois ce chemin qui mène à ma caverne. Sois son hôte cette nuit et parle avec mes animaux du bonheur des animaux jusqu'à ce que je revienne moi-même. Car maintenant un cri de détresse m'appelle et me sépare en hâte de toi. Tu trouveras aussi du miel frais chez moi, du miel d'alvéole, doré et glacé. Mange-le. Mais maintenant prends vite congé de tes vaches, homme étrange, homme aimable que tu es. » Même si tu dois trouver cela dur, car ce sont tes amis et tes maîtres les plus chauds. À l'exception d'un seul que j'aime encore plus, répondit le mendiant volontaire. Tu es bon et meilleur encore qu'une vache, ô Zarathoustra. Va-t'en, va-t'en, vil flatteur, cria Zarathoustra plein de colère. Que me gâtes-tu de telles louanges et d'un tel miel de ta flatterie ? Va-t'en, va-t'en, éloigne-toi de moi, cria-t-il encore une fois, et il brandit son bâton en direction du tendre mendiant. Mais celui-ci prit ses jambes à son cou. L'ombre. Mais à peine le mendiant volontaire s'était-il enfui et que Zarathoustra fut de nouveau seul avec lui-même, qu'il entendit une nouvelle voix derrière lui qui s'écriait « Arrête, Zarathoustra ! Attends donc, c'est moi, ô Zarathoustra, moi, ton ombre !» Mais Zarathoustra n'attendit point car une soudaine irritation lui était venue de cette foule et de cette presse dans ces montagnes. « Où donc s'en est allée ma solitude ? » dit-il. « Vraiment c'en est trop. Cette montagne grouille. Mon royaume n'est plus de ce monde. J'ai besoin de montagnes nouvelles. Mon ombre m'appelle. Que m'importe mon ombre ? Qu'elle me court après. Moi je la fuis. » Ainsi parlait Zarathoustra à son cœur et il prit la fuite. Mais celui qui était derrière lui le suivit, de sorte qu'il y en eut bientôt trois en train de courir l'un derrière l'autre, à savoir d'abord le mendiant volontaire, puis Zarathoustra, et en troisième lieu et par derrière son ombre. Il ne courait pas depuis longtemps que Zarathoustra prit conscience de sa folie, et d'un coup secoua de lui toute son amertume et sa lassitude. « Comment ? » dit-il. « Les choses les plus ridicules ne sont-elles pas depuis toujours passées chez nous, vieux ermites et saints ? » En vérité, ma folie a grandi très haut, et voici que j'entends six vieilles jambes de fou cliqueter à la queue leu-leu. Mais Zarathoustra a-t-il le droit d'avoir peur de son ombre ? D'ailleurs, il me semble qu'elle a, en fin de compte, les jambes plus longues que moi. Ainsi parlait Zarathoustra, les yeux et les entrailles pleins de rire. Il s'arrêta et se retourna vite. Et voyez, il en jeta presque son suivant et ombre par terre, tellement celui-ci le suivait sur ses talons et si grande était sa faiblesse. En effet, lorsqu'il le regarda attentivement, il en fut effrayé comme d'un fantôme soudain. Si mince, noirâtre, creux et exténué était celui qui le suivait. « Qui es-tu ? » demanda Zarathustra avec brusquerie. « Que fais-tu ici ? Et pourquoi te prétends-tu mon ombre ? Tu ne me plais pas. » « Pardonne-moi de l'être, répondit l'ombre. Et si je ne te plais pas, eh bien, ô Zarathustra, je t'en félicite, toi et ton bon goût. Je suis un voyageur qui a déjà beaucoup marché sur tes talons, toujours en chemin, mais sans but et sans domicile. Et peu s'en faut que je ne sois l'éternel juif errant, sauf que je ne suis pas éternel et pas non plus juif. Comment ? Me faut-il sans cesse être en route, soulevé par tous les tourbillons du vent, instable, emporté ? Ô terre, tu m'es devenue par trop ronde. Je me suis déjà posé sur toutes les surfaces, pareil à la poussière lasse. Je dormais sur les miroirs et les vitres. Tout me prend quelque chose. Rien ne m'en donne. Je deviens mince. Je ressemble presque à une ombre. Mais c'est toi, ô Zarathustra, que j'ai suivi le plus longtemps. Et même si je me suis caché de toi, je n'en étais pas moins ton ombre la meilleure. Partout où tu étais assis, j'y étais assis aussi. Avec toi, je suis passé par les mondes les plus lointains, les plus froids. Pareil à un fantôme qui, de son plein gré, court sur les toits blancs, sur la neige de l'hiver. Avec toi, je me suis aventuré dans tout ce qui était défendu, dans ce qui était le pire et le plus lointain. Et si en moi quelque chose est vertu, c'est que je n'avais jamais de crainte devant aucune interdiction. Avec toi, je brisais tout ce que mon cœur vénérait. J'ai renversé toutes les bornes et toutes les images. J'ai couru après les souhaits les plus dangereux. Et en vérité, j'ai un jour couru par-dessus toute espèce de crime. Avec toi, j'ai désappris à croire aux mots et aux valeurs et aux grands noms. Quand le diable change de peau, son nom alors aussi ne tombe-t-il pas ? Ce nom, en effet, est aussi une peau. Le diable lui-même est peut-être peau. Rien n'est vrai, tout est permis. Voilà ce que je me disais. Je me suis jeté la tête en avant, de tout cœur, dans les eaux les plus froides. À que de fois j'en fus tout nu, rouge comme une écrevisse. Hélas, où s'en est donc allé tout le bien et toute la pudeur et toute la foi dans les hommes bons ? Hélas, où s'en est allée cette menteuse innocente que je possédais jadis, l'innocence des bons et de leurs nobles mensonges ? Par trop souvent, j'ai suivi la vérité pied à pied, alors elle m'a heurté de front. Parfois, je croyais mentir et voyez, c'est alors que je trouvais la vérité. Trop de choses se sont éclaircies pour moi. Maintenant, cela ne me regarde plus. Rien de ce que j'aime ne vit plus. Comment pourrais-je encore m'aimer moi-même ? Vivre comme j'en ai envie ou ne pas vivre du tout. C'est ainsi que je le veux. C'est ainsi aussi que le veut celui qui est le plus saint. Mais malheur, comment ai-je encore envie ? Ai-je encore un but ? Un port vers lequel court ma voile ? Un bon vent ? Seul celui qui sait où il va sait aussi quel est le bon vent et le vent arrière. Que m'est-il resté ? Un cœur fatigué, insolent, une volonté inconstante, des ailes battantes, une colonne vertébrale brisée. Être sans cesse à la poursuite de ma demeure me poursuit sans cesse et me dévore. Où est ma demeure ? C'est là mon interrogation. C'est là ma recherche et je n'ai rien trouvé. Ô éternel partout, ô éternel nulle part, ô éternel, en vain. Ainsi parlait l'ombre et le visage de Zarathustra s'allongeait à ses propos. Tu es mon ombre, dit-il enfin avec tristesse. Ton danger n'est pas un petit danger, toi esprit libre, toi voyageur. Tu as eu une vilaine journée, tâche qu'il ne vienne pas une soirée plus vilaine encore. En fin de compte, une prison même semblera bien heureuse à des instables de ton espèce. As-tu jamais vu dormir des délinquants emprisonnés ? Ils dorment tranquilles, ils goûtent leur sécurité nouvelle. Méfie-toi qu'à la fin, une foi étroite ne t'enferme pas, une folie dure et sévère, car tout ce qui est étroit et ferme désormais te séduit. Tu as perdu le but, ô douleur. Comment vas-tu te remettre, te consoler de cette perte ? Tu as par là aussi perdu le chemin. Pauvre errant, pauvre égaré, papillon fatigué que tu es, veux-tu avoir ce soir un lieu de repos, un foyer ? Alors monte à ma caverne. Et maintenant je veux te quitter en hâte, m'échapper, déjà je sens comme une ombre peser sur moi. Je veux courir tout seul, pour que tout s'éclaire autour de moi. Pour cela, il me faut encore rester longtemps sur mes jambes, guiré. Mais le soir, chez moi, l'on danse. Ainsi parlait Zarathoustra. Midi. Et Zarathoustra courut sans s'arrêter et il ne trouva plus personne et ne cessait de se trouver lui-même et goûtait et aspirait sa solitude et pensait à de bonnes choses, des heures durant. Mais vers l'heure de midi, comme le soleil était juste au-dessus de sa tête, Zarathoustra passa près d'un vieil arbre tout tordu et noueux, qui était tout enveloppé par l'amour abondant d'un cep de vigne et était ainsi caché à lui-même. Il en pendait pour le voyageur des grappes dorées à foison, alors il eut envie de guérir une petite soif et de cueillir une grappe. Mais comme il tendait déjà le bras, il eut encore envie de quelque chose de plus, à savoir s'étendre sous l'arbre à l'heure de la plénitude de midi et de dormir. C'est ce que fit Zarathoustra, et aussitôt qu'il fut étendu sur le sol, dans le silence et le secret de l'herbe multicolore, il avait déjà oublié sa petite soif et il s'était endormi. Car comme dit le proverbe de Zarathoustra, une chose est plus nécessaire que l'autre. Seulement, ses yeux restèrent ouverts. Il ne se lassait pas en effet de voir et de célébrer l'arbre et l'amour du pied de vigne. Mais en s'endormant, Zarathoustra parla en ces termes à son cœur. Silence, silence, le monde à l'instant, ne vient-il pas de devenir parfait? Que m'arrive-t-il donc? Comme un vent délicat, sans être vu, danse sur une mer pailletée, léger, d'une légèreté de plume. Ainsi le soleil danse sur moi. Il ne me ferme pas l'œil. Il laisse mon âme en éveil. Il est léger en vérité, léger comme une plume. Il me convainc, je ne sais comment. Il me tapote à l'intérieur de moi-même d'une main caressante. Il me force. Oui, il me force pour que mon âme s'étende. Comme elle se fait longue et étrange, mon âme bizarre. Le soir d'un septième jour, lui est-il juste venu à l'heure du midi? A-t-elle trop longtemps cheminé, bien heureuse, entre des choses bonnes et mûres? Elle s'allonge, s'allonge et s'allonge encore. Elle est étendue, silencieuse, mon âme bizarre. Elle a déjà goûté trop de bonnes choses. Cette tristesse dorée l'oppresse. Elle étire la bouche. Tel un navire qui est entré dans sa baie la plus calme et s'appuie à la terre, fatigué du long voyage et des mers incertaines. La terre n'est-elle pas plus fidèle? Lorsqu'un navire s'appuie à la terre, se presse contre elle, il suffit qu'une araignée tende son fil depuis la terre. Il n'est pas besoin de cordage plus robuste. Comme un tel navire dans la baie la plus tranquille, je me repose moi aussi, proche de la terre, fidèle, confiant, attendant, lié à elle par les liens les plus ténus. Ô bonheur, veux-tu chanter, ô mon âme? Tu es étendue dans l'herbe, mais c'est l'heure secrète, l'heure solennelle où aucun berger ne souffle plus dans son chalumeau. Prends garde, midi brûlant dort sur les pâturages, ne chante pas. Silence, le monde est à sa perfection. Ne chante pas, oiseau des herbes, ô mon âme. Ne chuchote pas même, regarde, tais-toi. Le vieux midi dort, il remue les lèvres. N'est-il pas en train de boire une goutte de bonheur? Une vieille goutte brune de bonheur doré, de vin doré. Quelque chose passe sur lui, son bonheur rit. C'est ainsi que rit un dieu. Silence. Bonheur, bonheur, qu'il faut peu de choses pour le bonheur. Ainsi parlais-je un jour et je me trouvais intelligent. Mais ce n'était que blasphème. Cela je l'ai appris maintenant. Des fous, des bouffons intelligents parlent mieux. Le moins justement, ce qui fait le moins de bruit, ce qui est le plus léger, le frôlement d'un lézard, un souffle, un glissement, un clin d'œil, peu fait l'essence du meilleur bonheur. Silence, que m'est-il arrivé? Écoute. Est-ce le temps qui s'est enfui ainsi? Est-ce que je ne tombe pas? Ne tombais-je pas? Écoute, dans le puits de l'éternité. Que m'arrive-t-il? Silence. Quelque chose me pique aux douleurs, au cœur. Au cœur. Oh, brise-toi. Brise-toi, mon cœur, après un tel bonheur, après un tel coup. Comment ? Le monde ne vient-il pas d'atteindre sa perfection ? Rond et mûr, ô cercle d'or, cerceau, où s'envole-t-il ? Vais-je lui courir après ? Passé. Silence. Et ici, Zarathoustra s'étendit et sentit qu'il dormait. Debout, se dit-il à lui-même, dormeur, faiseur de grasse matinée en plein midi. Allons debout, vieilles jambes. Il est temps et grand temps. Il vous reste encore bien du chemin à faire. Maintenant, vous avez assez dormi. Combien de temps, donc ? Une demi-éternité. Allons, debout, vieux cœur. Combien de temps es-tu en droit de veiller après un tel sommeil ? Mais alors il se rendormit de nouveau et son âme parlait contre lui et se défendait et se couchait à nouveau. Laisse-moi donc. Tais-toi. Le monde ne vient-il pas d'arriver à sa perfection ? Oh, la sphère dorée toute ronde. Lève-toi, dit Zarathoustra, petite voleuse, fainéante que tu es. Comment ? Toujours t'étirer, bâiller, soupirer et tomber dans des puits profonds ? Qui es-tu donc, ô mon âme ? Et ici, il fut effrayé, car un rayon de soleil tombait du ciel sur son visage. Ô ciel au-dessus de moi, dit-il en soupirant, et il s'assit tout droit. Tu me regardes ? Tu écoutes mon âme bizarre ? Quand boiras-tu cette goutte de rosée qui est tombée sur toutes les choses terrestres ? Quand boiras-tu cette âme étrange ? Quand, puits d'éternité, toi abîme de midi serein et terrifiant ? Quand boiras-tu mon âme ? Quand la feras-tu rentrer en moi ? Ainsi parlait Zarathoustra et il se trouva de sa couche au pied de l'arbre, comme s'il sortait d'une ivresse inconnue. Or voici que le soleil était encore juste au-dessus de sa tête. À bon droit, on pourrait en déduire que Zarathoustra n'a pas dormi bien longtemps. La salutation. Ce ne fut que tard dans l'après-midi, à l'issue de longues recherches vaines, et après être allé en tous sens, que Zarathoustra revint à sa caverne. Mais lorsqu'il fut face à celle-ci, à moins de 20 pas, il arriva ce à quoi il s'attendait le moins. À nouveau, il entendit le grand cri de détresse. Et chose étonnante, cette fois, il sortit de sa propre caverne. Mais ce fut un cri long, modulé, singulier, et Zarathoustra distingua nettement qu'il se composait de beaucoup de voix. Même si, entendu de loin, il pouvait paraître sorti d'une seule bouche. Alors Zarathoustra bondit à sa caverne, et voyez quel spectacle l'attendait après ce concert. Car ils étaient tous assis ensemble, ceux près desquels il était passé pendant la journée, le roi de droite et le roi de gauche, le vieux magicien, le pape, le mendiant volontaire, l'ombre, le consciencieux de l'esprit, le triste devin et l'âne. L'homme le plus laid s'était mis la couronne sur la tête et passé 2 ceintures de pourpre, car comme tous ceux qui sont laids, il aimait à se travestir et à se faire beau. Mais au milieu de cette compagnie chagrine se tenait l'aigle de Zarathoustra, tout hérissé et inquiet, car il devait répondre à bien des choses pour lesquelles sa fierté n'avait pas de réponse. Mais le serpent plein de discernement pendait autour de son cou. Zarathoustra regardait tout cela avec beaucoup d'étonnement. Mais après cela, il examina chacun de ses hôtes avec une curiosité aimable et condescendante, lut dans leurs âmes et s'étonna à nouveau. Entre-temps, ceux qui s'étaient assemblés s'étaient levés de leur siège et attendaient avec respect que Zarathoustra prenne la parole. Mais Zarathoustra parla ainsi. « Vous qui désespérez, vous qui êtes étrange, c'est donc votre cri de détresse que j'ai entendu. Et maintenant je sais aussi où il faut le chercher, celui que je cherchais aujourd'hui en vain, l'homme supérieur. » Il est assis dans ma propre caverne, l'homme supérieur. Mais pourquoi m'étonner ? Ne l'ai-je pas moi-même attiré vers moi, par des offrandes de miel et des appels pleins de ruses de mon bonheur ? Pourtant, il me semble que vous êtes mal fait pour vous entendre. Vous vous endurcissez réciproquement le cœur, vous qui poussez le cri de détresse quand vous êtes assis ensemble ici. Il faut qu'il en vienne un qui à nouveau vous fasse rire, un joyeux compère, un danseur, un coup de vent, un nez cervelé. Quelques vieux fous bouffons. Que vous en semble-t-il ? Pardonnez-moi, vous qui désespérez de tenir devant vous d'aussi menus propos, indignes en vérité de tels hôtes. Mais vous ne devinez pas ce qui rend mon cœur joyeux. C'est vous-même, votre vue. Pardonnez-moi. Chacun, en effet, qui regarde quelqu'un qui désespère reprend courage. Dire de bonnes paroles à quelqu'un qui désespère. Pour cela, chacun se trouve assez fort. Vous-même, vous m'avez donné cette force. Don précieux, nobles invités. Un cadeau d'arrivée de bon augure. Allons, ne m'en veuillez pas si moi aussi je vous offre des miens. Ceci est mon domaine et mon empire. Ce qui est mien pour ce soir et cette nuit, cela doit être vôtre. Que mes animaux vous servent, que ma caverne soit votre lieu de repos. Chez moi, dans ma demeure, personne ne doit désespérer. Dans mon domaine, je protège chacun de ces bêtes fauves. Et cela, c'est la première chose que je vous offre, la sécurité. Mais la seconde, c'est mon petit doigt. Et l'avez-vous ? Prenez donc alors la main tout entière, allons, et le cœur en plus. Bienvenue ici, bienvenue mes autres amis. Ainsi parlait Zarathoustra et il riait d'amour et de méchanceté. Après cette salutation, ses hôtes s'inclinèrent encore une fois et se turent pleins de respect. Mais le roi, à droite, lui répondit en leur nom. « À la façon, Zarathoustra, dont tu nous as offert ta main et tes saluts, nous te reconnaissons pour être Zarathoustra. Tu t'abaisses devant nous. Tu as presque fait souffrir notre respect. Mais qui comme toi pourrait s'abaisser avec une telle fierté ? Cela nous redresse nous-mêmes. C'est un réconfort pour nos yeux et notre cœur. » Rien que pour voir cela, nous gravirions volontiers des montagnes plus hautes que celles-ci. Nous sommes en effet venus, avides de te voir. Nous voulions voir ce qui rend clair les regards troubles. Et voici que c'en est déjà fini de tous nos cris de détresse. Déjà nos sens et nos cœurs sont ouverts et ravis. Il s'en faut de peu pour que notre courage ne devienne joyeuse témérité. Rien, au Zarathoustra, de plus réjouissant ne croit sur terre qu'une haute et forte volonté. C'est sa plus belle plante. Un paysage tout entier se réconforte d'un seul arbre de cette sorte. C'est au pin que je te compare, au Zarathoustra, celui qui, pareil à toi, grandit. Long, silencieux, dur, seul, du meilleur bois, le plus souple, splendide. Mais à la fin, étendant ses fortes branches vertes vers son propre empire, posant de fortes questions au vent et aux intempéries et à tout ce qui est chez soi dans les hauteurs. Répondant plus fortement, impérieux, victorieux. Oh, qui, pour voir de telles plantes, ne monterait pas sur de hautes montagnes? De ton arbre ici, ô Zarathoustra, se réconforte celui qui est sombre, raté. À ton spectacle même, l'instable se rassure et guérit son cœur. Et en vérité, beaucoup d'yeux se dirigent aujourd'hui vers ta montagne et vers ton arbre. Un grand désir s'est découvert, et il en est plus d'un qui a appris à demander qui est Zarathoustra. Et ceux à qui un jour tu as instillé dans l'oreille ta chanson et ton miel, tous ceux qui sont cachés, tous les ermites solitaires ou à deux, dirent tout à coup à leur cœur, Zarathoustra vit-il encore ? Il ne vaut plus la peine de vivre, tout est pareil, tout est vain. Ou bien, nous devons vivre avec Zarathoustra. Pourquoi ne vient-il pas, celui qui s'est si longtemps annoncé ? Voilà ce que demandent beaucoup. La solitude l'a-t-elle avalé ? Or, il arrive que la solitude elle-même, maintenant, soit trop mûre, blette et qu'elle se brise, pareil à une tombe, qui s'effondre et ne peut plus tenir ses morts. Partout l'on voit des ressuscités. Les vagues à présent montent et montent, tout autour de ta montagne, ô Zarathoustra. Et aussi haute que soit ta hauteur, il en est beaucoup qui doivent monter jusqu'à toi. Ta barque ne doit pas plus longtemps rester à sec. Et que nous, qui désespérons, soyons maintenant venus à ta caverne, et que déjà nous ne désespérions plus, c'est un signe, et c'est un signe annonciateur seulement de ce que les meilleurs sont en route vers toi, car lui-même est en route vers toi. Le dernier reste de Dieu, parmi les hommes, c'est-à-dire tous les hommes du grand désir, du grand dégoût, de la grande satiété. Tous ceux qui ne veulent pas vivre. Ou bien ils apprennent à nouveau à espérer, ou bien ils apprennent de toi, ô Zarathoustra, le grand espoir. Ainsi parla le roi de droite, et il prit la main de Zarathoustra pour la baiser. Mais Zarathoustra se défendit contre sa vénération et recula effrayé, silencieux et comme enfui, tout à coup dans des lointains infinis. Après un court instant, il fut de nouveau parmi ses invités, les regarda d'un regard clair et critique, et dit « Chers hôtes, homme supérieur, je veux parler avec vous allemand et net. Ce n'est pas vous que j'attendais dans ces montagnes. » Allemand et net ? Pitié, grand Dieu, dit ici le roi de gauche à part soi. On voit qu'il ne connaît pas ses chers allemands, ce sage venu du Levant. Mais il veut dire allemand et grossièrement. Allons, voilà qui aujourd'hui n'est pas le goût le plus mauvais. Vous pouvez bien tous ensemble être des hommes supérieurs, continua Zarathoustra. Mais pour moi, vous n'êtes pas encore assez haut, ni assez fort. Pour moi, cela veut dire, pour ce qu'il y a en moi d'inexorable, qui se tait en moi, mais ne se taira pas toujours. Et si vous m'appartenez, alors ce n'est pas comme bras droit. Celui, en effet, qui est lui-même debout sur des jambes malades et délicates, tout comme vous. Celui-là veut surtout, qu'il le sache ou se dissimule, être ménagé. Mais mes bras et mes jambes, je ne les ménage pas. Je ne ménage pas mes guerriers. Comment pourriez-vous être apte à ma guerre? Avec vous, je me gâcherai encore toute victoire. Et il en est plus d'un parmi vous qui tomberait à la renverse rien qu'en entendant retenir mes tambours. Vous n'êtes pas non plus assez beau, ni assez bien né. J'ai besoin de miroirs propres et lisses pour mes enseignements. À votre surface, ma propre image elle-même se déformerait. Plus d'un fardeau, plus d'un souvenir pèse sur vos épaules. Plus d'un vilain nain s'est installé dans vos recoins. Il y a aussi en vous de la populace cachée. Et vous avez beau être haut et d'espèce supérieure, bien des choses en vous sont tordues et ratées. Il n'y a pas de forgeron au monde qui pourrait vous redresser et vous forger droit. Vous n'êtes que des ponts, que de plus haut vous traverse. Votre signification, c'est d'être marche. Alors n'en veuillez pas à celui qui par-dessus vous s'élèvera à sa hauteur. De votre semence, un jour, un vrai fils, un héritier accompli pourra me naître, mais il est loin. Mais vous n'êtes pas ceux à qui revient mon héritage et mon nom. Ce n'est pas vous que j'attends ici dans ces montagnes. Ce n'est pas avec vous que je peux descendre pour la dernière fois. Vous n'êtes venu que comme signe avant-coureur de ce que les plus hauts sont en route vers moi. Non, les hommes du grand désir, du grand dégoût, de la grande satiété et ce que vous avez appelé le reste de Dieu. Non, non, trois fois non. J'en attends d'autres ici dans ces montagnes. Et je ne veux pas m'en aller sans eux. J'en attends de plus haut, de plus fort, de plus victorieux, de plus allègre, des hommes bâtis au cordeau de corps et d'âme. Il faut que viennent des lions qui rient. Ô mes hôtes, amis étranges, n'avez-vous jamais entendu parler de mes enfants et qu'ils sont en route pour venir vers moi? Parlez-moi donc de mes jardins, de mes îles bienheureuses, de ma nouvelle et belle espèce. Pourquoi ne m'en parlez-vous pas? Ce cadeau d'arrivée, je le demande à votre amour. Que vous me parliez de mes enfants. Pour cela je suis riche, pour cela je suis devenu pauvre. Que n'ai-je pas donné? Que ne donnerais-je pas pour avoir une chose? Ces enfants, cette vivante plantation de ma volonté et de mon espérance la plus haute. Ainsi parlait Zarathoustra et il s'arrêta tout à coup au milieu de son discours, car un désir l'assaillit, et il ferma les yeux et la bouche face au mouvement de son cœur. Et tous ses hôtes, eux aussi, se turent et restèrent debout en silence, navrés, à l'exception du vieux devin, qui des mains faisait des gestes et des signes. La scène. À ce moment, en effet, le devin interrompit les salutations de Zarathoustra et de ses hôtes. Il se poussa en avant comme quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre. Prit la main de Zarathoustra et s'écria « Mais Zarathoustra, une chose est plus nécessaire que l'autre, tu le dis toi-même. Eh bien une chose m'est maintenant plus nécessaire que toute autre chose. Un mot au bon moment. Ne m'as-tu pas invité au repas? Et il en est beaucoup ici dont la route fut longue. Tu ne veux tout de même pas nous nourrir de discours? À mon sens, vous avez tous trop pensé au danger de mourir gelé, noyé, étouffé et à autre sorte de détresse corporelle. Mais personne n'a songé à ma détresse physique, à savoir mourir de faim. Ainsi parlait le devin, mais lorsque les animaux de Zarathoustra entendirent ces mots, ils en prirent la fuite d'effroi, car ils voyaient ce qu'ils avaient apporté pendant la journée et ne serait pas suffisant pour ce seul devin. Sans parler de la soif, continua le devin, et quoique j'entende ici clapoter de l'eau tout comme les discours de la sagesse, à savoir pur et infatigable, moi ce que je veux c'est du vin. Tout le monde n'est pas, tel Zarathoustra, né buveur d'eau. L'eau n'est même pas bonne pour les fatigués et les flétris. À nous revient le vin. Lui seul donne la guérison soudaine et une santé vigoureuse. À cette occasion, comme le devin réclamait du vin, il arriva que le roi de gauche, le taciturne, prit la parole. Pour ce qui est du vin, dit-il, nous en avons pris soin, nous, moi tout comme mon frère, le roi à droite. Nous avons du vin en suffisance, toute une charge d'âne. Ainsi, il ne manque plus que du pain. Du pain, répondit Zarathoustra en riant. C'est du pain justement que les ermites n'ont pas. Mais l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la chair de bons agneaux. J'en possède deux, qu'on les abatte vite et qu'on les prépare, aromatisés avec de la sauge. C'est ainsi que je les aime. Et il ne manque ni racines ni fruits. de quoi plaire même aux gourmets et aux becs fins. Il y a en abondance des noix, des devinettes et autres casse-têtes. Aussi allons-nous, en peu d'instants, préparer un bon repas. Mais celui qui veut participer au repas, celui-là doit mettre la main à la pâte, même les rois. Chez Zarathoustra, en effet, un roi a le droit d'être cuisinier. Cette proposition fut du goût de tout le monde, à l'exception du mendiant qui s'éleva contre la viande, le vin et les épices. « Écoutez-le donc, ce gourmet de Zarathoustra, » dit-il en plaisantant. « Va-t-on dans les cavernes et la haute montagne pour faire de tels repas ?»« Maintenant, en effet, je comprends ce qu'il nous a pris jadis. Béni soit la petite pauvreté, et pourquoi il veut supprimer les mendiants. » « Ne t'en fais pas, » lui répondit Zarathoustra. « Fais comme moi. Garde tes habitudes, excellent homme. Moue tes grains, bois ton eau, fais l'éloge de ta cuisine pourvu qu'elle te rende joyeux. Je ne suis loi que pour les miens. Je ne suis pas une loi pour tous. Mais celui qui veut être des miens, il lui faut avoir les os solides et le pied léger. Joyeusement prêt pour les guerres et les fêtes. Ni d'humeur sombre, ni songe creux. Prêt au plus difficile. Prêt pour sa fête. Sain et robuste. Ce qu'il y a de meilleur me revient à moi et aux miens. Et si on ne nous le donne pas, nous le prendrons. La meilleure nourriture, le ciel le plus pur, les pensées les plus fortes, les femmes les plus belles. » Ainsi parlait Zarathoustra, mais le roi à droite lui répondit. « Comme c'est curieux, a-t-on jamais entendu de telles choses aussi astucieuses sortir de la bouche d'un sage ? Et en vérité, c'est bien la chose la plus étrange chez un sage, si par-dessus le marché il est plein de discernement et n'est pas un âne. » Ainsi parlait le roi à droite, et il fut étonné. Mais l'âne gratifia, plein de mauvaise volonté, son discours de « Ian ». Mais ceci fut le début de ce long repas, qui est nommé « la scène » dans les livres d'histoire. Lors de celle-ci, il ne fut pas question d'autre chose que de l'homme supérieur. De l'homme supérieur. Lorsque pour la première fois j'arrivais parmi les hommes, je commis la folie des ermites, la grande folie. Je me mis au milieu du marché, et en parlant à tous, je ne parlais à personne. Mais le soir venu, des danseurs de cordes et des cadavres furent mes compagnons. Et moi-même, j'étais presque devenu un cadavre. Mais avec le matin nouveau m'est venue une vérité nouvelle. J'appris à parler ainsi. Que peuvent bien m'importer le marché et la populace, et le vacarme de la populace, et les longues oreilles de la populace ? Vous, homme supérieur, laissez-moi vous apprendre ceci. Sur la place du marché, personne ne croit aux hommes supérieurs. Et voulez-vous y parler ? Allez-y. Mais la populace clignera des yeux en disant « Nous sommes tous pareils et égaux. » Vous, les hommes supérieurs, dit la populace en clignant des yeux, « Nous sommes tous égaux. Un homme est un homme devant Dieu. Nous sommes tous égaux. » Devant Dieu, or ce Dieu est mort. Mais devant la populace, nous ne voulons pas être pareils et égaux. Vous, les hommes supérieurs, allez-vous-en, quittez la place publique. Devant Dieu, or, ce Dieu est mort. Vous, hommes supérieurs, ce Dieu était votre plus grand danger. C'est seulement depuis qu'il est dans la tombe que vous êtes ressuscité. Ce n'est que maintenant qu'arrive le grand midi. C'est maintenant seulement que l'homme supérieur devient seigneur. Avez-vous compris ce mot, ô mes frères ? Vous êtes effrayés. Votre cœur est-il pris de vertige ? L'abîme bâille-t-il ici pour vous ? Le chien des enfers vous jappe-t-il aux oreilles ? Allons, en route. C'est maintenant seulement que la montagne de l'avenir humain accouche. Dieu mourut. Maintenant nous voulons, nous, que le surhumain vive. Les plus soucieux demandent aujourd'hui, comment fera-t-on pour conserver l'homme ? Mais Zarathoustra demande, et il est seul, et le premier, comment fera-t-on pour surmonter l'homme ? Le surhumain est cher à mon cœur. Il est mon premier et le seul qui m'importe. Et ce n'est pas l'homme qu'il est, ni le prochain, ni le plus pauvre, ni celui qui souffre le plus, ni le meilleur. Oh mes frères, ce que je peux aimer en l'homme, c'est qu'il est un franchissement et un déclin. Et en vous aussi, il y a beaucoup de choses qui me font aimer et espérer. Que vous méprisiez, vous, homme supérieur, cela me fait espérer. Ceux dont le mépris est grand sont aussi ceux dont la vénération est grande. Que vous ayez désespéré, il faut vous en honorer, car vous n'avez pas appris à vous rendre, vous n'avez pas appris les petites astuces. Aujourd'hui, en effet, les petites gens sont devenus seigneurs. Ils prêchent tous la soumission et la résignation et l'astuce et le zèle et les égards et le long, etc. des petites vertus. Ce qui est féminin, ce qui est issu de la servilité et tout particulièrement le mélimélo populacier. Cela veut être maître maintenant de tout le destin humain. Oh, dégoût, dégoût, dégoût. Cela interroge et interroge et ne s'en lasse pas. Comment conserver l'homme le plus longtemps, le mieux et le plus agréablement possible? Par là, ils sont les maîtres d'aujourd'hui. Surmontez-les, ces maîtres d'aujourd'hui, ô mes frères, ces petites gens. Eux sont le plus grand danger pour le surhomme. Surmontez, vous, homme supérieur, surmontez les petites vertus, les petites astuces, les égards pour les grains de sable, le farfouillé de fourmis, le misérable bien-être, le bonheur du plus grand nombre. Et désespérez, plutôt que de vous rendre. Et en vérité, je vous aime, pour ce que vous ne sachiez pas vivre aujourd'hui, vous, homme supérieur. C'est ainsi, en effet, que vous vivez le mieux. Avez-vous du courage, ô mes frères ? Êtes-vous hardi ? Avez-vous du cœur ? Non pas le courage devant les témoins, mais le courage des ermites et le courage des aigles que ne contemple même plus un dieu. Les âmes froides, les animaux de bas, les aveugles et ceux qui sont ivres, je ne les nomme pas hardis. A du cœur celui qui connaît la crainte, mais la crainte contraint. A du cœur celui qui voit l'abîme, mais avec fierté. Qui voit l'abîme, mais avec les yeux de l'aigle. Qui saisit l'abîme avec les griffes de l'aigle. Celui-là a du courage. L'homme est méchant. Ainsi parlèrent pour me consoler tous les plus sages. Hélas, si seulement c'est encore vrai aujourd'hui. Car le mal est la meilleure force de l'homme. Il faut que l'homme devienne plus méchant et meilleur. Voilà ce que j'enseigne. Le mal est nécessaire pour le meilleur de l'homme. Cela pourrait être bon pour ce prédicateur des petites gens de souffrir et de porter le péché de l'homme. Mais moi, je me réjouis du grand péché comme de ma plus grande consolation. Moi, je ne dis pas de telles choses pour les longues oreilles. Tout mot ne va pas dans toute gueule. Ce sont là des choses fines et lointaines. Il ne sied pas aux pattes de mouton de tenter de les attraper. Vous, les hommes supérieurs, pensez-vous que je sois là pour faire bien ce que vous avez fait mal? Ou que je veuille désormais vous donner une meilleure couche à vous qui souffrez? Ou vous montrer à tous, instables, égarés, perdus dans la montagne, des sentiers nouveaux et plus faciles? Non, non, trois fois non. Il faut qu'il en périsse toujours plus de votre espèce et toujours les meilleurs, car pour vous les choses devront être toujours pires et toujours plus dures. Ainsi seulement l'homme pousse en hauteur où la foudre le frappe et le brise, suffisamment haut pour la foudre. C'est vers ce qui est peu nombreux, vers ce qui est long et lointain que vont mon esprit et mon désir, que pourrait bien m'importer votre petite misère, nombreuse et brève. Vous ne souffrez pas encore assez à mon gré, car vous souffrez de vous. Vous n'avez pas encore souffert de l'homme. Vous mentiriez si vous le disiez autrement. Aucun de vous n'a souffert de ce dont j'ai souffert moi. Il ne me suffit pas que la foudre ne fasse plus de dégâts. Je ne veux pas lui servir de paratonnerre. Elle doit apprendre à travailler pour moi. Depuis longtemps déjà, tel un nuage, ma sagesse s'assemble. Elle devient de plus en plus silencieuse et de plus en plus sombre. C'est ainsi que fait toute sagesse qui veut un jour donner naissance à des éclairs. Pour ces hommes d'aujourd'hui, je ne veux pas être lumière, je ne veux pas m'appeler lumière. Eux, je veux les aveugler. Éclairs de ma sagesse, crève-leur les yeux. Tâchez de ne rien vouloir au-delà de vos possibilités. Il y a une terrible fausseté chez ceux qui veulent au-delà de leurs possibilités. Surtout quand ils veulent de grandes choses, car ils incitent à la méfiance à l'égard de grandes choses, ces délicats faux monnayeurs et comédiens. Jusqu'à ce qu'enfin ils soient faux à l'égard d'eux-mêmes, leur regard louche, leur bois vermoulu repeint, drapé de paroles puissantes et de vertus d'exposition, d'œuvres brillantes et fausses. Soyez là, bien prudents, vous les hommes supérieurs. Rien, en effet, ne me paraît plus précieux aujourd'hui et plus rare que la loyauté. Cet aujourd'hui n'appartient-il pas à la populace? Mais la populace ne sait ni ce qui est grand, ni ce qui est petit, ni ce qui est droit, ni ce qui est loyal. Elle, pleine d'une innocence retorse, elle ment toujours. Ayez aujourd'hui une bonne méfiance, vous les hommes supérieurs, vous qui avez du courage, vous qui avez grand cœur, et tenez vos raisons secrètes. C'est aujourd'hui, en effet, est celui de la populace. Ce que jadis la populace a pris à croire sans raison, qui, par des raisons, pourrait le lui renverser? Et au marché l'on convainc à l'aide d'attitudes. Mais les raisons rendent la populace méfiante. Et si un jour, par extraordinaire, la vérité, auprès de la populace, a vaincu, alors demandez-vous plein d'une solide méfiance. Quelle forte erreur a donc combattu pour elle? Méfiez-vous des érudits. Ils vous haïssent, car ils sont infertiles. Ils ont des yeux froids et desséchés. Devant eux, tout oiseau se retrouve déplumé. Il y en a qui bombent le torse parce qu'ils ne mentent pas. Mais l'impuissance à mentir n'est pas encore, et loin de là, amour de la vérité. Soyez sur vos gardes. L'absence de fièvre, ça n'est pas encore, et loin de là, de la connaissance. Je ne crois pas aux esprits refroidis. Celui qui ne peut mentir ne sait pas ce qu'est la vérité. Voulez-vous vous élever très haut? Servez-vous alors de vos propres jambes. Ne vous laissez pas emporter. Ne vous asseyez pas sur des dos étrangers et des têtes étrangères. Mais toi, tu es monté à cheval? Tu chevauches à cette heure hardiment vers ton but? Fort bien, ami, mais ton pied qui traîne est avec toi à cheval. Quand tu auras atteint ton but, quand tu sauteras de ton cheval, parvenu à ta hauteur justement, toi, homme supérieur, tu vas trébucher. Vous, créateur, vous, homme supérieur, on ne porte en soi que son propre enfant. Ne vous en laissez pas compter, ne vous en laissez pas accroire. Qui est donc votre prochain? Et même si vous agissez pour le prochain, vous ne créez pas pour lui. Désapprenez donc ce pour vous, créateur. Votre vertu justement veut que vous ne fassiez rien avec pour et afin et parce que. Contre ces petits mots faux, vous devez vous boucher les oreilles. Le pour le prochain est seulement la vertu des petites gens. Chez eux, on dit qui se ressemble s'assemble et une main lave l'autre. Ils n'ont ni le droit ni la force pour votre égoïsme. Dans votre égoïsme, vous les créateurs, il y a la prudence et la prévoyance de la femme enceinte. Ce que personne encore n'a de ses yeux vus, le fruit. Tout votre amour le nourrit, l'abrite et le ménage. Là où est tout votre amour, auprès de votre enfant, là aussi est toute votre vertu. Votre œuvre, votre volonté, voilà votre prochain. Ne vous laissez pas convaincre de fausses valeurs. Vous, créateur, vous, homme supérieur, celui qui doit enfanter, celui-là est malade, celui qui a enfanté est impur. Demandez aux femmes. On n'enfante pas parce que ça fait plaisir. La douleur fait caqueter les poules et les poètes. Vous, créateur, beaucoup de choses en vous sont encore impures. C'est pourquoi il fallait que vous soyez mère. Un nouvel enfant. Oh, combien de saleté nouvelle est aussi venue du monde. Écartez-vous. Et celui qui a enfanté, celui-là doit laver son âme. Ne soyez pas vertueux au-delà de vos forces. Et ne veuillez rien de vous qui va à l'encontre de la vraisemblance. Marchez dans les traces où marchait déjà la vertu de vos pères. Comment voudriez-vous vous élever si la volonté de vos pères ne s'élève pas avec vous? Mais celui qui veut être le premier, prenez garde qu'il ne devienne pas aussi dernier. Et là où sont les vices de vos pères, il ne faut pas que vous prétendiez être des saints. Celui dont les pères étaient portés sur les femmes et les vins forts et les sangliers, qu'en serait-il si celui-là exigeait de lui-même la chasteté? Ce serait une sottise. En vérité, cela me semblerait beaucoup pour un tel homme, d'être l'homme d'une, de deux ou de trois femmes. Et fondrait-il des couvents et gravera-t-il au-dessus de leurs portes le chemin vers la sainteté? Je dirais encore, pourquoi donc? C'est une nouvelle sottise. Il ne ferait que se créer pour lui-même une nouvelle prison et un nouvel asile. Grand bien lui fasse, mais moi, je n'y crois pas. Dans la solitude croit ce que l'on y apporte, y compris le bétail intime, de telle sorte que la solitude est à déconseiller à beaucoup. Y a-t-il quelque chose de plus sale sur terre que les saints du désert? Autour d'eux, ce n'était pas le diable seulement qui se déchaînait, mais aussi le cochon. Timide, honteux, maladroit, semblable à un tigre qui a manqué son saut. De même, souvent je vous vis, vous, homme supérieur, vous faufiler, raser les murs. Vous aviez manqué votre lancée. Mais, joueur de dés que vous êtes, qu'est-ce que cela peut faire? Vous n'avez pas appris à jouer et à vous moquer, comme il faut jouer et se moquer. Ne sommes-nous pas tout le temps assis à une grande table de moquerie et de jeu? Et si vous avez manqué de grandes choses, en êtes-vous vous-même pour cela manqué? Et si vous-même vous êtes manqué, l'homme est-il pour cette raison manqué? Mais si l'homme est lui-même manqué, allons, courage, en avant. Plus une chose est haute de nature, plus rarement elle réussit. Vous, hommes supérieurs, ici, n'êtes-vous pas tous manqués? Ayez courage, qu'importe, combien de choses sont encore possibles. Apprenez à rire de vous-même, comme il faut rire. Si vous êtes manqué tout à fait ou à demi, quoi d'étonnant à cela? Vous qui êtes à demi brisé, en vous ne se bouscule-t-il pas et ne se cogne-t-il pas l'avenir de l'homme? Le plus lointain de l'homme, sa plus grande profondeur, ce qu'il y a de plus haut, haut jusqu'aux étoiles, sa force énorme, tout cela n'écume-t-il pas? Ne s'affronte-t-il pas dans votre marmite? Quoi d'étonnant que plus d'une marmite se brise? Apprenez à rire de vous, comme il faut rire. Ô vous, homme supérieur, ô combien de choses sont encore possibles? Et en vérité, combien de choses n'ont-elles déjà pas réussi? Combien cette terre est riche en petites choses bonnes et parfaites, en réussite. Entourez-vous de petites choses bonnes et parfaites, vous, homme supérieur. Leur maturité dorée grille le cœur. Ce qui est parfait enseigne à espérer. Qu'est-ce qui était jusqu'à maintenant ici sur terre le péché le plus grand? N'était-ce pas la parole de celui qui disait « Malheur à ceux ici qui rient » Ne trouva-t-il pas lui-même des raisons de rire sur terre? Alors, ce qu'il a mal cherché. Un enfant même y trouve des raisons de rire. Celui-là, il n'aimait pas assez. Sinon, il nous aurait aimés nous aussi, nous les rieurs. Mais il nous haïssait et se gossait de nous. Il nous promettait pleurs et grincements de dents. Faut-il tout de suite pousser des jurons là où on n'aime pas? Cela, ce me semble de mauvais goût. Mais c'est ainsi que fit cet intransigeant. Il venait de la populace. Et lui-même, il n'aimait pas suffisamment. Sinon, il se serait moins irrité de ne pas être aimé. Tout grand amour ne veut pas d'amour, il veut davantage. Éloignez-vous du chemin de tous les intransigeants de cette sorte. C'est la façon pauvre et malade, une façon populacière. Ils regardent de bien mauvaise façon cette vie, et ils n'ont que regard méchant pour cette terre. Éloignez-vous du chemin de tous ces intransigeants. Ils ont les pieds lourds et les cœurs moites. Comment la terre pourra-t-elle paraître légère à de tels gens? C'est tordu que toutes les bonnes choses approchent de leur but. Pareil aux chats, elles font le gros dos et ronronnent à l'intérieur d'elles-mêmes face à leur bonheur prochain. Toutes les bonnes choses rient. La démarche révèle si quelqu'un déjà marche dans sa voie. Aussi regardez-moi marcher. Mais celui qui s'approche de son but, celui-là danse. Et en vérité, ce n'est pas une statue que je suis devenue. Je ne suis pas devenue fixe, atone, de pierre, une colonne. J'aime la course rapide. Et même s'il existe sur terre aussi marais et épaisse tristesse, celui qui a les pieds légers, celui-là court même sur la boue, et y danse comme sur de la glace solide. Oh les cœurs, mes frères, oh plus haut encore, et tâchez aussi de ne pas oublier les jambes. Oh les jambes aussi, le bon danseur que vous êtes, et mieux encore, sachez vous tenir sur la tête. Cette couronne de celui qui rit, cette couronne de rose, moi-même je me suis mis cette couronne. Moi-même, je me consacrais mon rire. Je n'en trouvais pas d'autre qui fût aujourd'hui suffisamment fort. Zarathoustra le danseur, Zarathoustra le léger qui fait signe des ailes, prêt à prendre son vol, faisant signe aux oiseaux, prêt et dispos tout d'allégresse et de légèreté. Zarathoustra qui dit vrai, qui rit vrai. Celui qui n'est ni impatient, ni intransigeant, lui qui est quelqu'un qui aime les sauts et les écarts. Moi-même, je me mis cette couronne. Oh les cœurs, mes frères, oh, plus haut encore. Et surtout, tâchez de ne pas oublier les jambes. Oh les jambes aussi, bons danseurs que vous êtes, et mieux encore, sachez vous tenir sur la tête. Dans le bonheur aussi, il y a des lourdeurs de bêtes et des pâteaux depuis le début. Il se donne une étrange peine, semblable à un éléphant qui s'efforce de se tenir sur la tête. Mieux vaut encore être fou de bonheur que fou de malheur. Mieux vaut danser lourdement que de marcher en se traînant. Apprenez donc ce que m'enseigne ma sagesse. Même la pire des choses a de bons côtés. Même la pire des choses a de bonnes jambes pour danser. Apprenez donc vous-même, homme supérieur, à bien vous tenir sur vos jambes. Désapprenez donc à souffler la tristesse. Désapprenez toute l'affliction populacière. Ô combien me semble triste aujourd'hui encore les gens foutre de la populace. C'est aujourd'hui celui de la populace. Soyez pareil au vent qui se précipite hors de ces cavernes des montagnes. Il veut danser au son de son propre sifflet. Les mers tremblent et bondissent sous les traces de ses pas. Celui qui donne des ailes aux ânes, qui traîne les lionnes, Béni soit-il ce bon esprit impétueux qui vient comme une tempête pour tout aujourd'hui et toute populace, qui est l'ennemi des têtes de charbon et des têtes d'ergoteurs et de toutes les feuilles mortes et de toutes les mauvaises herbes. Béni soit cet esprit de tempête, bon, libre et sauvage, qui danse sur les marécages et les afflictions comme sur des prairies. Celui qui est les chiens phtisiques de la populace et toute progéniture sombre et manquée. Béni soit cet esprit de tous les esprits libres, la tempête rieuse qui souffle du sable aux yeux de tous ceux qui voient tout en noir, de tous ceux qui sont purulents. Vous, homme supérieur, ce qu'il y a de pire en vous, c'est que vous n'avez pas appris à danser comme il faut danser, à danser par-dessus vous-même. Qu'importe que vous ayez été manqué, que de choses sont encore possibles. Aussi apprenez donc à rire par-delà vous-même. Ô les cœurs, bon danseur, ô, plus haut encore. Et n'oubliez pas non plus le bon rire. Cette couronne de celui qui rit, cette couronne de rose, à vous, mes frères, je vous la jette, cette couronne. J'ai consacré le rire. Vous, homme supérieur, apprenez donc à rire. Le chant de mélancolie. Lorsque Zarathoustra fit ses discours, il se tenait près de l'entrée de sa caverne. Mais sur ses dernières paroles, il se déroba à ses hôtes et s'enfuit quelques instants à l'air libre. « Ô senteur pur autour de moi !» s'écria-t-il. « Au silence bienheureux autour de moi !»« Mais où sont mes animaux ? Approchez ! Approchez, mon aigle et mon serpent ! Dites-moi, mes animaux ! Ces hommes supérieurs, tous tant qu'ils sont, ne sentent-ils peut-être pas bon ? Ô senteur pur autour de moi ! C'est maintenant seulement que je sais et que je sens comme je vous aime, vous mes animaux. » Et Zarathoustra dit une fois encore, « Je vous aime, mes animaux. » Mais l'aigle et le serpent se blottirent auprès de lui lorsqu'il eut dit ces mots et levèrent les yeux vers lui. Ils étaient ainsi tous les trois réunis et ils humaient et reniflaient ensemble le bon air, car l'air ici, dehors, était meilleur qu'auprès des hommes supérieurs. Mais à peine Zarathoustra eut-il quitté sa caverne que le vieux magicien se leva, regarda autour de lui d'un air rusé et dit « Il est dehors. Et déjà vous, homme supérieur, que je vous chatouille un peu de ce nom flatteur et laudateur, pareil à lui, déjà mon terrible esprit de tromperie et de prestidigitation m'assaille, mon diable mélancolique, lui qui est l'adversaire par essence de Zarathoustra, veuillez l'en excuser. Or il veut faire des tours de magie devant vous, c'est justement son heure. C'est en vain que je lutte contre cet esprit mauvais. Pour vous tous, quels que puissent être les honneurs que vous vous donniez par les mots, et que vous vous nommiez les esprits libres, ou les véridiques, ou les pénitents de l'esprit, ou les déchaînés, ou les grands nostalgiques, pour vous tous qui souffrez du grand dégoût, tout comme moi, vous dont le vieux dieu est mort, et pour qui il n'y a pas encore de nouveau dieu au berceau dans les langes, pour vous tous, mon esprit mauvais, mon diable magicien est bénéfique. Je vous connais. Vous, les hommes supérieurs, je le connais lui. Je connais aussi ce monstre que j'aime malgré moi, ce Zarathoustra. Lui-même me fait souvent penser à un beau masque de saint, pareil à un curieux déguisement nouveau dans lequel se complaît mon esprit, le diable mélancolique. Il me semble souvent que j'aime Zarathoustra, au nom de mon esprit mauvais. Mais déjà il m'assaille, celui-là, et me contraint, cet esprit de mélancolie, ce diable du crépuscule. Et en vérité, homme supérieur, il se complaît. Ouvrez seulement les yeux. Il se complaît à venir nu, mâle ou femelle, je n'en sais encore rien. Mais il vient, il me force. Ô douleur, ouvrez vos sens. Le jour s'éteint, c'est le soir maintenant qui vient pour toutes choses, même pour les choses les meilleures. Écoutez et voyez, homme supérieur, quel diable est-ce, s'il est homme ou s'il est femme, cet esprit de la mélancolie du soir. Ainsi parlait le vieux magicien, puis il regarda autour de lui l'air rusé et prit alors sa harpe. Dans l'air où la clarté s'éteint, quand déjà la consolation de la rosée sourd vers la terre, invisible, sans être entendue, car elle porte deux souliers, la rosée consolatrice, pareille à tous les doux consolateurs. Te souviens-tu, cœur brûlant, comme tu étais assoiffé jadis de larmes célestes et de gouttes de rosée, brûlé et fatigué, tu avais soif. Pendant que sur de jeunes sentiers d'herbe, de cruels regards du soleil noir, à travers des arbres noirs, couraient autour de toi, d'aveuglants regards de feu du soleil, heureux de faire mal. Le prétendant de la vérité, toi, c'est ainsi qu'il se moque. Non, un poète seulement, un animal rusé, pillard, qui se glisse, qui doit mentir, contraint de mentir, sciemment, volontairement, avide de proie, au masque bariolé, se masquant soi-même, proie de soi-même. Ça, le prétendant de la vérité. Non, rien qu'un fou, rien qu'un poète au discours bigarré, criant à travers ses masques de fou, grimpant sur de mensongers ponts de mots, sur des arcs-en-ciel multicolores, entre de faux ciels et de fausses terres, volant, errant de ci de là, rien qu'un fou, rien qu'un poète. Ça, le prétendant de la vérité, non pas silencieux, figé, lisse et froid, devenu image, non statue de Dieu, dressé devant les temples, un gardien de porte divine, non pas, mais ennemi de telle statue de la vérité, plus à son aise dans les brousques que devant le temple, plein de caprices comme un chat, sautant à travers toutes les fenêtres, pfft, dans tous les hasards, tendant le nez vers toute forêt vierge, humant plein de désirs, de langueur, que dans les forêts vierges, parmi les bêtes de proie au pelage tacheté, tu es couru, pêcheur, plein de santé multicolores et beaux, de babines lascives. Bienheureux et moqueur, bienheureux et infernal, bienheureux et avide de sang, pillard, tout faufilant aux aguets. Ou bien pareil à l'aigle, qui longtemps, longtemps regarde fixement l'abîme, ses abîmes. Oh, comme ils tournoient, descendent, s'enfoncent toujours plus bas, en des profondeurs toujours plus profondes. Puis, tout à coup, piquant droit, d'un vol qui plonge, se jetant sur des agneaux, d'un coup, en proie à la fringale, avide d'agneaux, irrité contre toutes les âmes d'agneaux, irrité, plein de colère pour tout ce qui regarde à la façon des moutons avec des yeux de moutons. La laine crépue, gris, avec le bon vouloir des agneaux moutons. Ainsi, tel l'aigle, tel la panthère, sont les désirs du poète. Sont tes désirs sous mille masques, toi, ô fou, toi, ô poète, toi qui as regardé l'homme, autant Dieu que mouton. Déchirer le Dieu en l'homme, tout comme le mouton en l'homme, rire d'un rire déchirant. Cela, cela, c'est ta félicité. Félicité de la panthère, de l'aigle, félicité du poète et du fou. Dans l'air obscurci, quand déjà la fossile de la lune verte parmi les rougeoiements pourpres se faufile, jalouse, ennemie du jour, se faufilant, fauchant à chaque pas en secret, tout près de hamacs couverts de roses jusqu'à ce qu'il s'effondre, s'effondre pâle, descendant dans la nuit. C'est ainsi que je sombrais jadis moi-même, tombant du haut de ma vérité folie, du haut de mes désirs du jour, fatigué du jour, malade de lumière. Je sombrais, descendant vers le soir, vers l'ombre, brûlé et assoiffé par une vérité. Te souviens-tu au cœur brûlant comme tu étais assoiffé? Oh, que je sois banni de toute vérité. Rien qu'un fou. Rien qu'un poète. De la science. Ainsi chantait le magicien, et tous ceux qui étaient ensemble se prenaient tels des oiseaux, sans le remarquer, dans les filets d'une volupté rusée et mélancolique. Seul le consciencieux de l'esprit ne fut pas pris. Il enleva en un clin d'œil sa harpe au magicien, et s'écria « De l'air, faites entrer le bon air, faites entrer Zarathoustra, tu rends l'air lourd et empoisonné dans cette caverne, vieux magicien de malheur. Tu séduis et détournes, toi le faux, le fin, vers des besoins et des fourrés inconnus, et oh malheur à nous, quand des gens comme toi font des discours sur la vérité et s'en réclament. Malheur à tous les esprits libres qui ne sont pas sur leur garde devant de tels magiciens. C'en est fait de leur liberté. Parce que tu enseignes, tu les ramènes et les attires à nouveau dans des prisons. Vieux diable mélancolique, dans ta plainte résonne un appeau. Tu es pareil à ceux qui, avec leur éloge de la chasteté, en secret invitent aux voluptés. » Ainsi parlait le consciencieux. Mais le vieux magicien regarda autour de lui, jouit de sa victoire et en ravala le dépit que lui causait le consciencieux. « Tais-toi, » dit-il d'une voix sans timbre, « de bonnes chansons veulent avoir un bon écho. Après de bonnes chansons, il faut se taire longtemps. » Ainsi font-ils tous ces hommes supérieurs. Mais toi, tu n'as pas dû comprendre grand-chose à ma chanson. En toi, il y a fort peu d'un esprit enchanteur. « Tu me fais un compliment en me distinguant de toi, » répondit le consciencieux. « Fort bien. Mais vous autres, que vois-je? Vous, encore tous assis là, l'œil plein d'avidité, vous, âme libre. Où s'en est donc allée votre liberté? Il me semble presque que vous ressemblez à ces gens qui ont longtemps regardé danser nus des filles vicieuses. Vos âmes elles-mêmes dansent. En vous, homme supérieur, il faut qu'il y ait davantage que ce que le magicien appelle son esprit mauvais, son esprit de magie et d'imposture. Il faut bien que nous soyons différents. Et en vérité, nous avons suffisamment parlé et pensé ensemble avant que Zarathustra ne rentre à sa caverne, pour que je ne le sache pas. Nous sommes différents. Nous cherchons des choses différentes, ici en haut également, vous et moi. Moi, en effet, je cherchais davantage de sécurité. C'est encore lui la tour la plus solide et la volonté la plus solide. Aujourd'hui, où tout branle, où la terre tremble toute. Mais vous, si je regarde les yeux que vous me faites, c'est tout juste s'il ne me paraît pas que vous cherchez plus d'insécurité, plus de frissons, plus de danger, plus de tremblements de terre. Ce dont vous avez envie, comme il me semble presque. Pardonnez-moi ma présomption, homme supérieur. Ce dont vous avez envie, c'est de la pire vie, la vie la plus dangereuse, qui à moi me fait le plus peur. De la vie des bêtes sauvages, de forêts, de cavernes, de montagnes abruptes et de dédales de précipices. Et ce ne sont pas les guides qui vous écartent du danger qui vous plaisent le plus, mais ceux au contraire qui vous écartent de tous les chemins, les séducteurs. Mais même si en vous une telle envie est réelle, elle ne m'en semble pas moins impossible. La crainte, voilà en effet le sentiment fondamental et héréditaire de l'être humain. C'est par la crainte que tout s'explique. Péché originel et vertu originelle. C'est de la crainte aussi qu'est issue et qu'a grandi ma vertu. Elle se nomme science. La crainte en effet des bêtes sauvages, c'est celle qu'on a depuis le plus longtemps implantée en l'homme, y compris la crainte de la bête qu'il recèle et craint en lui-même. Zarathustra la nomme le bétail intérieur. Une telle longue et vieille crainte qui s'est enfin affinée, spiritualisée, intellectualisée, aujourd'hui il me semble qu'elle se nomme science. Ainsi parlait le consciencieux, mais Zarathustra, qui revenait justement à sa caverne, et qui avait entendu et deviné le dernier discours, jeta une poignée de roses au consciencieux, et se rit de ses vérités. « Comment ? » s'écria-t-il. « Qu'est-ce que je viens d'entendre ? En vérité, il me semble, tu es un bouffon, ou c'est moi qui le suis, et ta vérité, je la mets cul par-dessus tête, en un clin d'œil. » La crainte, en effet, c'est notre exception, c'est courage et aventure et goût de l'incertain. Goût de ce qui n'a pas encore été osé. Courage, c'est ce que me semble être la préhistoire entière de l'homme. Il a envié aux animaux les plus courageux leurs vertus. Il les en a dépouillés. Ce n'est qu'ainsi qu'il est devenu homme. Ce courage-là, enfin affiné, spiritualisé, intellectualisé, ce courage d'homme aux ailes d'aigle, au discernement de serpent, celui-là, me semble-t-il, il s'appelle aujourd'hui Zarathustra. S'écrièrent tous ceux qui étaient assis ensemble comme d'une seule bouche, et ils eurent un grand éclat de rire. Mais il s'éleva d'eux comme un lourd nuage. Le magicien lui aussi se mit à rire et dit avec discernement « Allons bien, il s'en est allé, mon esprit mauvais. Et ne vous ai-je pas moi-même mis en garde contre lui, lorsque je disais qu'il était un esprit d'imposture, de mensonge et de tromperie, et surtout en effet quand il se montrait nu. Mais que puis-je contre ses ruses ? Est-ce moi qui l'ai fait, lui et ce monde ? Allons, soyons bons de nouveau et de bonne humeur. » Et bien que Zarathustra jette des regards mauvais, regardez-le donc, il m'en veut. Avant que ne vienne la nuit, il réapprendra à m'aimer et à me complimenter. Il ne peut vivre longtemps sans commettre de telles folies. Celui-là, il aime ses ennemis. Il est de tous ceux que j'ai vus, celui qui s'y entend le mieux dans cet art. Mais il s'en venge sur ses amis. Ainsi parlait le vieux magicien. Les hommes supérieurs l'applaudirent, de telle sorte que Zarathustra fit le tour de la compagnie et qu'avec méchanceté et amour, il se mit à leur secouer les mains, tout comme quelqu'un qui aurait à réparer et à faire amende honorable de quelque chose auprès de chacun. Mais lorsque ce faisant il arriva à proximité de la porte de sa caverne, de nouveau il fut pris de l'envie du bon air frais du dehors. Il eut envie de revoir ses animaux. Et déjà, il voulait se glisser dehors. Parmi les filles du désert. Ne t'en va pas, dit alors le voyageur qui s'appelait l'ombre de Zarathustra. Reste auprès de nous, sinon il se pourrait que la vieille affliction sourde nous assaille. Déjà ce vieux magicien nous a prodigué ce qu'il avait de pire, et regarde-le donc, le bon pape pieux a les larmes aux yeux, et il s'est de nouveau embarqué sur la mer de la mélancolie. Ces rois peuvent bien faire bonne figure en notre présence. C'est ce qu'ils ont appris, eux, le mieux, aujourd'hui parmi nous tous. S'ils n'avaient pas de témoins, je parie que chez eux, le vilain jeu recommencerait. Le vilain jeu des nuages qui passent, de la mélancolie humide, des ciels voilés, des soleils furtifs, des vents d'automne qui hurlent. Le vilain jeu de nos pleurs et de nos cris de détresse reste auprès de nous, ô Zarathoustra. Il y a ici bien de la misère cachée à qui veut parler. Il y a beaucoup de soirs, beaucoup de nuages, beaucoup d'air lourd. Tu nous as nourris d'une forte nourriture d'hommes et de forts préceptes. Ne tolère pas qu'au dessert, les esprits féminins amollis de nouveau nous assaillent. Toi seul, tu rends l'air autour de toi fort et clair. Ai-je jamais, sur terre, trouvé d'aussi bon air qu'auprès de toi dans ta caverne? J'ai pourtant vu bien des pays. Mon nez a appris à jauger bien des sortes d'air. Mais c'est auprès de toi que mes narines ont goûté leur joie la plus grande. Si ce n'est, oh pardonne-moi un vieux souvenir, pardonne-moi ma vieille chanson de dessert que j'ai jadis composée parmi les filles du désert. Auprès d'elle, en effet, l'air était aussi bon, aussi pur, oriental. C'est là que je fus le plus loin de la vieille Europe nuageuse, humide, mélancolique. En ce temps-là, j'aimais ces filles de l'Orient et un autre ciel bleu qui n'est pas couvert de nuages et de pensées. Vous ne pourriez croire combien elles étaient sagement assises quand elles ne dansaient pas. Profondes, mais sans pensée, comme de petits secrets, comme des énigmes enrubannées, comme des noix pour le dessert. Multicolores et étrangères, c'est vrai, mais sans nuages, des devinettes que l'on peut deviner. Pour l'amour de ces filles-là, j'ai jadis conçu un psaume pour le dessert. Ainsi parla le voyageur et ombre. Et avant même que quelqu'un lui ait répondu, il s'était déjà emparé de la harpe du vieux magicien. Il avait croisé les jambes et regardé autour de lui avec détachement et sagesse, comme quelqu'un qui goûte en des pays étrangers un nouvel air inconnu. Puis il commença à chanter en poussant une sorte de rugissement. Le désert croit, malheur à qui recèle des déserts. Ah, solennel, vraiment solennel, un digne début d'un solennel africain, digne d'un lion ou d'un saint hurleur moralisant. Mais ce n'est rien pour vous. Vous, amis, chers entre toutes, au pied desquels pour la première fois il m'est permis à moi, permis à un Européen d'être assis sous des palmes, c'est là, merveilleux en vérité. Me voilà assis là, si près du désert et déjà, à nouveau si loin du désert et en rien dévasté encore, mais avalé, en effet, par cette oasis de toute la plus petite. Elle ouvrait juste en bâillant son adorable gueule toute grande, la plus parfumée de toutes les petites gueules, et j'y suis tombé dedans. Dedans, à travers, parmi vous, amies les plus charmantes, celle-là. Gloire, gloire à cette baleine d'avoir veillé ainsi au bien-être de son hôte. Comprenez-vous mon allusion érudite? Gloire à son ventre, s'il a été pareil à celui-ci, un ventre oasis aussi aimable que celui-ci, mais ce dont je doute. C'est pourquoi je viens d'Europe, davantage percluse de doutes que toutes les autres vieilles petites épouses légitimes. Que Dieu la bénisse. Amen. Me voilà assis dans cette oasis la plus petite, pareil à une date, brun, sucré, doré, avide, d'une ronde bouche de fillette, et plus encore des dents tranchantes, glacées, blanches comme la neige. Dents de fillette, c'est elle dont assoiffe le cœur de toutes les dates chaudes. Celle-là. Pareil à ces fruits du sud, trop pareil à eux. Me voici étendu ici, entouré par le vol des insectes qui jouent autour de moi et me flairent, et assiégé, de même, de souhaits et d'idées plus petits, plus fous encore, assiégé par vous, filles, chats, muettes et songeuses, doudous, messieurs les cas, en sphinxé pour bourrer, en un seul mot beaucoup de sentiments. Pardonne-moi, ô Dieu, ce péché contre la langue. Me voilà ici respirant le meilleur air, l'air du paradis en vérité, un air clair, léger, inondé d'or. Le meilleur air jamais tombé de la lune. Était-ce par hasard ou par présomption, comme le racontent les anciens poètes? Mais moi, vieux douteur, j'en doute. C'est que je viens d'Europe, plus percluse de doutes que toutes les vieilles petites épouses. Que Dieu la guérisse. Amen. Respirant cet air le plus beau, les narines gonflées comme des coupes, sans avenir, sans souvenir, me voilà assis ici, vous, amie très charmante, regardant le palmier qui, pareil à une danseuse, se plie, s'incline, les hanches flexibles. On fait pareil si on regarde longtemps. N'a-t-il pas, pareil à une danseuse, comme il me semble, trop longtemps, dangereusement longtemps, n'a-t-il pas été debout toujours, sur une seule jambe? N'en oublia-t-il pas l'autre jambe, si je ne me trompe? En vain, tout au moins, je cherchais la précieuse jumelle, perdue, trésor perdu, à savoir l'autre jambe, dans la sainte proximité de leur charmante et délicate jupette, toute pailletée, toute plissée, toute volante. Oui, belles amies, si vous vouliez me croire tout à fait, il l'a perdue, elle est partie. Partie pour toujours, l'autre jambe. Oh, que c'est dommage pour l'autre jolie jambe. Où peut-elle bien être et se désoler, solitaire, la jambe toute seule? Peut-être a-t-elle peur d'un monde léonin, terrible aux bouches blondes? Ou peut-être est-elle déjà rongée, grignotée, pitoyablement grignotée? Malheur, oh malheur, celle-là. Oh, ne pleurez pas, tendre cœur, ne pleurez pas, cœur de date, sein de lait, petit cœur de réglisse, ne pleure plus, pâle doudou, sois homme, Suleka, courage. Ou bien faudrait-il ici un tonique, un cordial, une maxime pleine d'onction, un encouragement solennel? Ah, redresse-toi, ma dignité, vertueuse dignité, dignité d'Européen, souffle, souffle à ton tour, soufflet de vertu. Hurlez une fois encore, hurlez moralement, comme lion moral, hurlez devant les filles du désert, car les hurlements de vertu, charmante fillette, c'est plus que tout, plus que ferveur d'Européen, plus que fringale d'Européen. Me voilà debout, Européen, je ne peux faire autrement, que Dieu m'aide. Amen. Le désert croit, malheur à qui recèle des déserts. Le réveil. Après la chanson du voyageur et de l'ombre, la caverne d'un coup se remplit de bruit et de rire. Et comme tous les invités rassemblés parlaient tous en même temps, et comme devant de tels encouragements l'âne lui-même ne put rester muet, Zarathoustra fut pris d'une petite répugnance et d'un peu de moquerie à l'égard de ses visiteurs, bien qu'il se réjouît de leur gaieté, car elle lui semblait un signe de guérison. Aussi se glissa-t-il dehors et parla-t-il à ses animaux. Leur détresse, où s'en est-elle donc allée? Dit-il, et déjà il respirait soulagé de son petit mouvement d'humeur. Auprès de moi, ils ont désappris, ce me semble, à crier de détresse, mais malheureusement pas encore à crier. Et Zarathoustra se boucha les oreilles, car justement le « oui en » de l'âne se mêlait curieusement au hurlement de joie de ses hommes supérieurs. « Ils sont joyeux, » recommença-t-il, « et peut-être, qui sait, le sont-ils aux dépens de leurs hôtes? Et si je leur ai appris à rire, ce n'est cependant pas mon rire qu'ils ont appris. Mais qu'importe, ce sont de vieilles gens, ils guérissent à leur manière. Mes oreilles ont supporté bien pire et ne s'en irritèrent point. Ce jour est une victoire. Le voilà qui fuit déjà et recule, l'esprit de pesanteur, mon vieil ennemi héréditaire. Que la fin de cette journée qui commença si mal et si pesamment se rappelle. Elle veut finir. Voici déjà venir le soir, le bon cavalier chevauche par-dessus la mer. Comme il se balance, lui, le bienheureux sur sa selle de pourpre, lui, le bienheureux qui rentre chez lui. Le ciel le regarde, lumineux. Le monde est loin dans les profondeurs. Ô vous tous, les gens étrangers qui venez à moi, cela vaut la peine de vivre chez moi. Ainsi parlait Zarathoustra, et de nouveau on entendit sortir de la caverne les cris et les éclats de rire des gens supérieurs. Alors il recommença en ces termes. Ils mordent. Mon amorce est efficace. Leur ennemi aussi les quitte, l'esprit de pesanteur. Déjà ils apprennent à rire sur eux-mêmes. Est-ce que j'entends bien? Ma nourriture virile agit, ma maxime pleine de sève et de force. Et en vérité, je ne les ai pas nourris de légumes qui font gonfler, mais d'une nourriture de guerriers et de conquérants. J'éveillais de nouveaux désirs. Il y a de nouveaux espoirs dans leurs bras et leurs jambes. Leur cœur se fait plus ample. Ils trouvent des mots nouveaux. Bientôt leur esprit respirera le contentement. Une telle nourriture, certes, n'est pas pour des enfants, ni pour de jeunes et de petites vieilles nostalgiques. Celle-là, c'est autrement que l'on s'y prend pour leur retourner les entrailles. Leur médecin et leur professeur, ce n'est pas moi. Le dégoût s'écarte de ces hommes supérieurs. Tant mieux. Cela, c'est ma victoire. Dans mon royaume, ils deviennent plus sûrs d'eux. Toute sotte pudeur les quitte. Ils s'épanchent. Ils vident leur cœur, de bonnes heures leur reviennent. Ils se reposent de nouveau et remâchent, ils deviennent reconnaissants. C'est cela que je tiens pour le signe le meilleur. Dans peu de temps, ils vont imaginer des fêtes et dresser des pierres commémoratives pour leurs vieux amis. Ce sont des hommes en train de guérir. Ainsi parlait Zarathoustra joyeusement à son cœur et il regardait au loin. Mais ces animaux se pressaient autour de lui et honoraient son bonheur et son silence. Mais tout à coup, l'oreille de Zarathoustra fut effrayée. La caverne, en effet, jusqu'ici pleine de bruit et de rire, fut soudain remplie d'un silence de mort. Son nez sentit une fumée parfumée, un encens, comme de pommes de pin brûlées. Que se passe-t-il? Que font-ils donc? Se demanda-t-il, et il se glissa vers l'entrée pour pouvoir regarder ses invités sans être remarqué. Mais miracle des miracles, que dut-il voir de ses propres yeux? Ils sont tous redevenus pieux, ils prient, ils sont fous, dit-il, et s'étonna au-delà de toute mesure. Et en vérité, tous ces hommes supérieurs, les deux rois, le pape hors service, le mauvais magicien, le mendiant volontaire, le voyageur et l'ombre, le vieux devin, le consciencieux de l'esprit et l'homme le plus laid. Ils étaient tous pareils à des enfants et à de vieilles femmes croyantes. Ils étaient tous agenouillés et adoraient l'âne. Et voici justement que l'homme le plus laid commençait à gargouiller et à souffler, comme si quelque chose d'inexprimable voulait sortir de lui. Mais lorsqu'il eut réussi à en venir aux mots, alors voyez, ce fut une pieuse et étrange litanie en louange de l'âne vénéré et encensé. Voici le son que rendait cette litanie. Amen, et louange, et honneur, et sagesse, et remerciement, et gratitude soit à notre Dieu, d'éternité en éternité. Mais l'âne, au-dessus, de Brère. Oui, oh. Il porte notre fardeau, il prie silhouette de valet, il est patient dans son cœur, et ne dit jamais non, et celui qui aime son Dieu le châtie bien. Mais l'âne, là-dessus, de Brère. Oui, oh. Il ne parle pas, si ce n'est pour dire oui toujours au monde qu'il créa. Ainsi loue-t-il son monde, c'est son astuce pour ne pas parler. Ainsi, il est rare qu'il ait tort. Mais l'âne, là-dessus, de Brère. Oui, hein. Il va discret de par le monde. Gris est la couleur du corps. Il y enveloppe sa vertu. A-t-il de l'esprit, alors il le cache. Mais chacun de croire à ses longues oreilles. Mais l'âne, là-dessus, de Brère. Oui, hein. Quelle sagesse sacrée est-ce là qu'il ait de longues oreilles et qu'il ne dise que oui et jamais non? N'a-t-il pas créé le monde à son image, à savoir aussi bête que possible? Mais l'âne, là-dessus, de Brère. Oui, oh. Tu sais, des chemins droits et tordus, peu t'importe ce qui nous semble à nous hommes droits et tordus. Par-delà le bien et le mal est ton royaume. C'est ton innocence de ne pas savoir ce qu'est l'innocence. Mais l'âne, là-dessus, de Brère. Oui, hein. Vois, ne repousser personne, ni mendiant, ni roi. Tu fais venir à toi les petits enfants, et quand les mauvais garnements te séduisent, tu dis naïvement oui. Mais l'âne, là-dessus, de Brère. Oui, hein. Tu aimes les ânesses et les figues fraîches, tu ne méprises pas les nourritures. Un chardon te chatouille le cœur quand tu as faim. C'est là que l'on voit la sagesse d'un dieu. Mais l'âne, là-dessus, de Brère. Oui, hein. La fête de l'âne. Mais à ce point de la litanie, Zarathoustra ne put se maîtriser plus longuement. Il cria « Oui !» plus fort que l'âne encore, et bondit au milieu de ses invités pris de folie. « Mais que faites-vous dans là, mes bons hommes ? » s'écria-t-il, en soulevant de terre ceux qui priaient. « Malheur, si quelqu'un d'autre vous regardait que Zarathoustra, chacun jugerait que vous êtes, avec votre nouvelle foi, les pires blasphémateurs ou bien les plus folles de toutes les petites vieilles. Et toi-même, vieux pape, comment cela s'accorde-t-il avec toi-même d'adorer ainsi un âne ?»« Oh, Zarathoustra, répondit le pape, pardonne-moi, mais pour ce qui est des choses divines, je suis plus au fait encore que toi. Et c'est bien ainsi. Mieux vaut adorer Dieu sous cette apparence-là que sous aucune... Pense à cette maxime-là, mon noble ami. Tu devines vite, il y a de la sagesse en une telle maxime. Celui qui dit Dieu est un esprit, celui-là fit jusqu'aujourd'hui sur terre le pas et le saut des plus grands vers l'incrédulité. Il n'est pas facile de réparer une telle parole sur terre. Mon vieux cœur saute et bondit à la pensée qu'il y a encore quelque chose à adorer sur terre. Pardonne cela aux Zarathoustra, un pieux vieux cœur de pape. Et toi, dit Zarathustra au voyageur et ombre, tu te nommes et te juges un esprit libre? Et tu te livres ici à ce genre de culte d'idoles et de curés? Pire encore, ta conduite ici, auprès de tes vilaines filles brunes, mauvais nouveau croyant que tu es. C'est bien triste, répondit le voyageur et ombre. Tu as raison, mais qui puis-je? Le vieux dieu revit aux Zarathustra. Tu peux dire ce que tu veux. L'homme le plus laid est la cause de tout, c'est lui qui l'a réveillé. Et même s'il dit qu'il l'a jadis tué, la mort n'est jamais chez les dieux qu'un préjugé. Et toi, dit Zarathustra, toi, vieux magicien de malheur, qu'as-tu fait? Qui donc en ces temps libres pourra désormais croire en toi si toi tu crois en de telles âneries divines? Tu as fait une bêtise. Comment pouvais-tu, toi, si intelligent, faire une telle bêtise? Ah, Zarathustra, répondit le malin magicien, tu as raison. Tu as raison, ce fut une bêtise, et cela m'a été bien assez pénible. Et toi-même, dit Zarathustra au consciencieux de l'esprit, évalue bien et mets ton doigt contre ton nez. Rien ici ne va-t-il contre ta conscience? Ton esprit n'est-il pas trop pur pour ses prières et les vapeurs de ses frères prieurs? Il y a quelque chose là-dedans, répondit le consciencieux. Il y a même quelque chose dans ce spectacle qui fait du bien à ma conscience. Peut-être n'ai-je pas le droit de croire en ce Dieu, mais ce qui est certain, c'est que c'est sous cette forme que Dieu me paraît encore le plus crédible. Dieu est éternel selon ce qu'en témoignent les plus pieux. Celui qui attend de temps devant lui, celui-là prend son temps, aussi lentement et aussi bête que possible. Par là, il peut vraiment aller très loin. Et celui qui a trop d'esprit, celui-là sûrement aimerait s'enticher de bêtises et de bouffonneries. Réfléchis sur toi-même, ô Zarathustra. Toi-même, en vérité, toi-même par excès et par sagesse, tu pourrais bien devenir âne. Un sage accompli n'aime-t-il pas emprunter les voies les plus tortueuses? L'évidence l'enseigne, ô Zarathustra. Ton évidence. Et toi-même enfin, dit Zarathustra en se tournant vers l'homme le plus laid qui était encore étendu sur le sol, levant les bras vers l'âne. Il lui donnait en effet du vin à boire. Parle, toi innommable, dis, qu'as-tu fait là? Tu me parais transformé. Ton œil brille, le manteau du sublime entoure ta laideur. Qu'as-tu fait? Est-ce donc vrai ce que certains disent, que tu l'as réveillé? Et à quelle fin? N'avait-il pas été tué et éliminé à bon droit? Tu me pas réveillé toi-même, qu'as-tu fait? Pourquoi t'en es-tu retourné? Pourquoi t'es-tu converti? Parle-toi, innommable! Ah, Zarathustra, répondit l'homme le plus laid, tu es un coquin. S'il vit encore, celui-là, ou vit de nouveau, ou s'il est tout à fait mort, quel est celui de nous deux qui le sait le mieux? Je te le demande. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est de toi-même que je l'appris jadis, ô Zarathustra. Celui qui veut tuer le plus radicalement, celui-là, rit. Ce n'est pas par la colère, mais par le rire que l'on tue. Ainsi parlais-tu jadis, Zarathustra. Ô Zarathustra, toi, celui qui est caché, toi l'anéantisseur sans colère, toi le saint dangereux, tu es un coquin. Mais alors il arriva que Zarathustra, étonné par tant de réponses de coquin, bondit à nouveau vers la porte de sa caverne et se mit à crier d'une voix forte, tournée vers tous ses hôtes. « Oh, farceurs et bouffons, tous tant que vous êtes, pitres, qu'avez-vous à vous déguiser et à vous dissimuler à mes yeux? Comme votre cœur à chacun en frémissait de plaisir et de méchanceté d'être enfin redevenu tel des enfants, à savoir pieux, et de ce qu'enfin vous avez fait encore ce que font les enfants, à savoir prier, joindre les mains et dire « mon Dieu ». Mais maintenant dégarpissez de cette chambre d'enfant. Ma propre caverne, où tant d'enfantillage aujourd'hui se sent chez lui. Rafraîchissez ici, dehors, votre présomption d'enfant échauffée et le tohu-bohu de vos cœurs. Certes, si vous ne devenez point comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Et des mains, Zarathustra montra le ciel. Mais nous ne voulons pas du tout le royaume des cieux. Nous sommes devenus des hommes. Aussi voulons-nous le royaume de la terre. Et une fois encore, Zarathustra se mit à parler. Hommes et nouveaux amis, dit-il, hommes étranges, hommes supérieurs, comme vous me plaisez à présent, depuis que vous êtes redevenus gais. En vérité, vous vous êtes tous épanouis. Il me semble qu'à des fleurs telles que vous, il faut de nouvelles fêtes, une vaillante petite folie, quelques services divins et fêtes de l'âne. Il vous faut quelques pieux et joyeux bouffons à la Zarathustra, un vent mugissant pour vous nettoyer l'âme et vous la rendre claire. N'oubliez pas cette nuit et cette fête de l'âne, vous, hommes supérieurs. Vous avez inventé cela chez moi. Je le retiens comme un bon signe. De telles choses, seuls ceux qui guérissent les inventent. Et si vous la fêtez encore, cette fête de l'âne, faites-le par amour de vous. Et faites-le aussi par amour de moi et en souvenir de moi. Ainsi parlait Zarathustra. Le chant d'ivresse. Mais entre-temps, tous étaient sortis l'un après l'autre, à l'air libre, dans la nuit fraîche et pensive. Mais Zarathoustra lui-même conduisait l'homme le plus laid par la main pour lui montrer son monde nocturne, et la grande lune ronde, et les cascades argentées auprès de sa caverne. Les voilà alors tous debout, silencieux les uns à côté des autres, uniquement de vieilles gens, mais le cœur vaillant, consolé, et tout étonné par-devers eux d'être si bien sur terre. Mais l'intimité de la nuit étreignait de plus en plus leur cœur. Et de nouveau Zarathoustra pensa en lui-même. Donc comme il me plaise à présent, ces hommes supérieurs. Mais il ne le dit pas à voix haute, car il honorait leur bonheur et leur silence. Mais alors arriva ce qui, en ce long jour étonnant, fut le plus étonnant. L'homme le plus laid recommença encore une fois et pour la dernière fois à gargouiller et à souffler. Et lorsqu'il eut enfin réussi à trouver ses mots, voyez, il jaillit de sa bouche rondement et proprement une bonne question profonde et claire qui remua le cœur de tous ceux qui l'écoutaient. « Mes amis, tous tant que vous êtes, dit l'homme le plus laid, que vous en semble-t-il ? Au nom de ce jour, moi, pour la première fois, je suis content d'avoir vécu toute la vie durant, et de témoigner de cela ne me suffit pas. Il vaut la peine de vivre sur la terre. Un jour, une fête, en compagnie de Zarathoustra, m'a appris à aimer la terre. Était-ce cela, la vie ? Voilà ce que je veux dire à la mort. Eh bien, allons, encore une fois. Mes amis, que vous en semble-t-il ? Ne voulez-vous pas, pareil à moi, dire à la mort, était-ce cela, la vie ? Au nom de Zarathoustra, allons, encore une fois. » Ainsi parlait l'homme le plus laid, mais on n'était pas loin de minuit, et que croyez-vous qu'il arriva ? Aussitôt que les hommes supérieurs entendirent sa question, ils prirent, tout à coup, conscience de leur métamorphose et de leur guérison, et sur qui les leur avait donné. Alors ils bondirent vers Zarathoustra, le remerciant, lui disant leur vénération, le cajolant, lui baisant les mains, chacun à sa façon, de sorte qu'il y en avait qui riaient et d'autres qui pleuraient. Mais le vieux devin en dansait de joie, et même si, comme le pensent certains chroniqueurs, il était plein de vin doux, il était certes plus plein encore de la douceur de la vie, et il avait renoncé à toute fatigue. Il en est même qui raconte qu'alors l'âne a dansé. Ce n'est pas en vain que l'homme le plus laid lui avait auparavant donné à boire du vin. Il a pu en être ainsi ou autrement. Et si en vérité l'âne a dansé ce soir-là, il arriva alors des prodiges bien plus grands et bien plus étranges que ne pourrait l'être un âne qui danse. Bref, comme le dit le dicton de Zarathoustra, qu'importe. Et tandis qu'il arrivait ces choses à l'homme le plus laid, Zarathoustra se trouvait là debout comme ivre. Son regard s'éteignait, sa langue claquait, ses pieds vacillaient. Et qui pourrait deviner quelles étaient alors les pensées qui couraient à travers l'âme de Zarathoustra ? Mais il était visible que son esprit reculait et s'enfuyait, et qu'il était infiniment loin, et comme sur une crête élevée entre deux mers, ainsi qu'il est écrit. Entre deux mers, entre deux mondes, entre le passé et l'avenir, flottant tel un lourd nuage. Mais peu à peu, alors que les hommes supérieurs le tenaient dans leurs bras, il revint à lui, et des mains il repoussait la foule de ceux qui le vénéraient, et se faisait du souci et se pressait autour de lui. Cependant, il ne parlait pas. Mais tout à coup, il tourna rapidement la tête, car il lui semblait entendre quelque chose. Alors il mit le doigt sur sa bouche et dit « Venez !» Et bientôt, tout autour de lui devint silencieux et mystérieux. Mais des profondeurs sortait lentement le son d'une cloche. Zarathoustra l'écoutait, tout comme les hommes supérieurs. Puis une nouvelle fois, il mit le doigt à sa bouche et dit encore « Venez !» Minuit approche. Et sa voix s'était métamorphosée. Mais il ne bougeait toujours pas de place. Le silence devint plus profond et l'atmosphère plus secrète encore. Et tout le monde écoutait, même l'âne et les bêtes héraldiques de Zarathoustra, l'aigle et le serpent, tout comme la caverne de Zarathoustra et la grande lune froide et la nuit elle-même. Mais Zarathoustra, pour la troisième fois, mit la main à sa bouche et dit « Venez, venez, venez, allons maintenant, marchons, c'est l'heure, allons, cheminons au cœur de la nuit. Homme supérieur, minuit approche. » Aussi je veux vous dire quelque chose à l'oreille, que m'a dit à l'oreille la vieille cloche qui sonnait. Aussi mystérieusement, de façon aussi terrible, avec autant de cordialité que me le dit cette cloche de minuit, elle qui a vu plus de choses qu'un être humain, elle qui a compté les battements du cœur, les battements de souffrance de vos pères. Ah, comme il rit en rêve le vieux minuit profond, si profond. Silence, silence. On peut entendre maintes choses qui n'ont pas le droit de se faire entendre de jour. Or maintenant que l'air est frais et que tout le vacarme de vos cœurs s'est apaisé, maintenant tout cela parle, on l'entend. tout cela se glisse dans les âmes nocturnes, vigilantes. Ah, comme il soupire, comme il rit en rêve. Ne l'entends-tu pas comme il te parle, terrible, en secret, cordial, le vieux minuit profond, si profond? Ô homme, prends garde. Malheur à moi, où le temps s'en est-il allé? Ne suis-je pas tombé dans des puits profonds? Le monde dort. Ah, le chien hurle, la lune brille. Je préfère mourir, oui, mourir, plutôt que de vous dire ce que pense à l'instant mon cœur de minuit. Je suis déjà mort. C'est fini. Araignée, qu'as-tu à tisser autour de moi? Veux-tu du sang? Ah, la rosée tombe. L'heure vient. Le rouge frissonne. J'ai froid. L'heure qui vient et interroge, interroge, interroge encore. Qui a assez de cœur? Qui doit être le maître de la terre? Qui veut dire, c'est ainsi que vous devez couler, vous, les grands et les petits fleuves? L'heure approche. Ô homme supérieur, prends garde. Ce discours-là est pour les oreilles déliées, pour tes oreilles. Que dit le profond minuit? Cela m'emporte. Mon âme danse. Ô ma tâche journalière, qui sera le maître de la terre? La lune est fraîche, le vent se tait. Ah, vous êtes-vous déjà envolé assez haut? Vous avez dansé, mais une jambe, ce n'est pas encore une aile. Bon danseur que vous êtes maintenant, tout plaisir est passé. Le vin devint de la levure, tous les gobelets se sont affadis, les tombes balbutient. Vous ne vous êtes pas encore envolé assez haut. Voici que les tombes balbutient. Délivrez donc les morts. Pourquoi fait-il nuit si longtemps? La lune ne nous enivre-t-elle pas? Vous, homme supérieur, délivrez donc les tombeaux. Réveillez les cadavres. Quoi donc? Qu'est-ce que le ver a encore à fouiller? L'heure approche. La cloche gronde. Le cœur grince encore. Le ver ronge encore le bois. Le cœur. Hélas, hélas, le monde est profond. Douce, douce lyre. J'aime ta sonorité de crapaud enivré. Que ta sonorité vienne de loin, de bien loin, des étangs de l'amour. Ô toi, vieille cloche, douce lyre, chaque douleur t'a déchiré le cœur. La douleur du père, la douleur des pères, la douleur des ancêtres les plus reculés. Ton discours devint mûr, mûr, tel l'automne doré et l'après-midi doré, tel mon cœur d'ermite. Te voici qui te met à parler. Le monde lui-même a mûri, la grappe mûrit. La voici qui veut mourir, mourir de bonheur. Vous, homme supérieur, ne le sentez-vous pas? Secrètement, un parfum se met à sourdre, à monter. Un parfum et une odeur d'éternité, une odeur rose bienheureuse, brune et dorée de vin, odeur de vieux bonheur de minuit, enivré de mourir, qui chante. Le monde est profond, et plus profond que le jour ne le pensait. Laisse-moi, laisse-moi, pour toi je suis trop pur. Ne me touche pas, mon monde à l'instant n'est-il pas devenu parfait? Ma peau est trop pure pour tes mains. Laisse-moi jour opaque, bête et crapaud. Minuit n'est-il pas plus clair? Que les plus purs soient les maîtres de la terre, les plus méconnus, les plus forts, les âmes de minuit qui sont claires et plus profondes que toujours. Au jour, tu tâtonnes vers moi, tu cherches à tâtons mon bonheur. Je suis riche pour toi, solitaire, un trésor, une chambre pleine d'or. Ô monde, tu me veux, moi? Suis-je assez du monde pour toi? Ai-je de l'esprit? Suis-je divin? Mes jours et monde, vous êtes par trop lourdeau. Ayez des mains plus intelligentes, tendez les mains vers un bonheur plus profond, un malheur plus profond. Tendez les mains vers quelque dieu, ne les tendez pas vers moi. Mon malheur, mon bonheur sont profonds, au jour étrange. Mais cependant je ne suis point un dieu, je ne suis pas un enfer de dieu, profonde est sa douleur. La douleur divine est plus profonde, ô monde étrange. Tends les mains vers la douleur de dieu, non vers moi, que suis-je? Une lyre en proie à une douce ivresse, une lyre de minuit, un crapaud cloche que personne ne comprend, mais qui ne peut faire autrement que parler, parler devant des sourds, vous, homme supérieur, car vous ne me comprenez pas. C'est fini. Ô jeunesse, au midi, au après-midi, or maintenant sont venus le soir et la nuit et minuit. Le chien hurle. Le vent n'est-il pas un chien? Il pleure, jappe, jeun. Ah, comme elle soupire, comme elle rit, comme elle halète et râle. la nuit de minuit, comme elle parle sobrement cette grande poétesse ivre. Elle a certes enivré sa propre ivresse. Devint-elle suréveillée? Rumine-t-elle? Elle rumine sa douleur en rêve, la vieille nuit de minuit vieille et profonde, et plus encore son plaisir. Joie, en effet, quand déjà la douleur est profonde. Le plaisir est plus profond encore que la douleur du cœur. Toi, le cep de vigne, tu me loues, pourtant je te coupais. Je suis cruel, tu saignes. Qu'est-ce que ta louange demande à ma cruauté enivrée? Tout ce qui est parvenu à sa plénitude, tout ce qui est mûr veut mourir. Voici ce que tu dis. Béni, béni soit le couperet du vigneron. Mais tout ce qui n'est pas mûr veut vivre douleur. La douleur dit péris, va-t'en aux douleurs. Mais tout ce qui souffre veut vivre afin de devenir mûr et joyeux et rempli de désir. Plein du désir de plus lointain, de plus haut, de plus clair. Je veux des héritiers, ainsi parle tout ce qui souffre. Je veux des enfants, je ne me veux pas moi-même. Mais le plaisir ne veut pas d'héritier, pas d'enfant. Le plaisir se veut lui-même, il veut l'éternité, il veut le retour. Il veut le tout, éternellement, semblable à lui-même. La douleur dit, brise-toi, saigne, au cœur, va, jambes, ailes, vole, au loin, en haut, douleur. Allons et bien, ô mon vieux cœur, la douleur dit, péris. Vous, homme supérieur, que vous en semble-t-il? Suis-je un devin, un rêveur, un homme ivre, un homme qui explique les rêves, une cloche de minuit, une goutte de rosée, une brume et une odeur d'éternité? Ne l'entendez-vous pas? Voici que mon monde est devenu parfait. Minuit est aussi midi. La douleur est aussi un plaisir. La malédiction est aussi une bénédiction. La nuit est aussi un soleil. Allez-vous-en ou bien apprenez-le. Un sage est aussi fou. Avez-vous jamais dit oui à un plaisir? Oh mes amis, alors vous avez dit oui aussi à toute douleur. Toutes les choses sont enchaînées, enchevêtrées, amoureuses les unes des autres. Si vous avez jamais voulu une fois, deux fois, si vous avez jamais dit « tu me plais, bonheur, fuite, instant », alors vous vouliez tout retrouver. Tout de nouveau, tout éternellement, tout enchaîné, tout enchevêtré, amoureux, oh, ainsi vous aimiez le monde. Vous les éternels, aimez-les éternellement et tout le temps. Et à la douleur aussi, dites, péris, mais reviens, car toute joie veut l'éternité. Toute joie veut l'éternité de toute chose. Elle veut le miel, elle veut du levain, un minuit ivre, elle veut des tombes, elle veut un crépuscule doré. Qu'est-ce que ne veut pas la joie? Elle est plus assoiffée, plus cordiale, plus affamée, plus effrayante, plus secrète que toute douleur. Elle se veut, se mord elle-même, la volonté de l'anneau lutte en elle. Elle veut de l'amour, elle veut de la haine, elle est d'une surabondante richesse. Elle prodigue, jette, mendie, afin que quelqu'un la prenne, remercie celui qui la prend. Elle aimerait être haïe. La joie est si riche qu'elle a soif de douleur, d'enfer, de haine, de honte, d'infirmité, de monde. Car ce monde, oh, vous le connaissez, vous, homme supérieur, c'est vous qu'elle désire la joie, indomptable, bienheureuse. C'est votre douleur qu'elle désire, ratée que vous êtes. C'est des ratés que désire toute joie éternelle. Car toute joie se veut elle-même, c'est pourquoi elle veut aussi la peine du cœur. Ô bonheur, ô douleur, ô brise-toi, cœur. Vous, homme supérieur, apprenez le don. La joie veut l'éternité. La joie veut l'éternité de toute chose. Elle veut une profonde, profonde éternité. Avez-vous maintenant appris ma chanson? Avez-vous deviné ce qu'elle veut? Allons, et bien debout, vous, homme supérieur, chantez-la donc ma chanson, ma ronde. Chantez donc vous-même la chanson dont le nom est, encore une fois, dont le sens est, en toute éternité. Chantez, vous, les hommes supérieurs, chantez la ronde de Zarathoustra. Ô homme, prends garde, que dit le profond minuit? Je donnais, je dormais, je me suis éveillé d'un rêve profond. Le monde est profond, et plus profond que ne le pensait le jour. Profonde est sa douleur, et la joie, plus profonde encore que la peine du cœur. La douleur dit « péris ». Cependant la joie veut l'éternité, elle veut une éternité profonde. Profonde. le signe. Mais le matin suivant cette nuit, Zarathoustra bondit de sa couche, prit sa ceinture et sortit de sa caverne, brillant et fort comme un soleil du matin venant de montagnes sombres. « Toi, grand astre, » dit-il, comme il l'avait dit jadis, « grand soleil du bonheur profond. Que serait tout ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires, et s'ils restaient dans leur chambre alors que tu es déjà éveillé et que tu viens et que tu distribues tes dons, comment ta fière pudeur s'en irriterait-elle ? Eh bien, ils dorment encore, ces hommes supérieurs, pendant que je suis éveillé, moi. Ce ne sont pas les compagnons qu'il me faut. Ce n'est pas eux que j'attends ici dans mes montagnes. Je veux aller vers mon œuvre, vers mon jour. Mais ils ne comprennent pas ce que sont les signes de mon matin. Mon pas n'est pas pour eux un appel qui éveille. Ils dorment encore dans ma caverne. Leur rêve boit encore à la source de mes chants d'ivresse. Cependant l'oreille qui se tend vers moi, l'oreille obéissante, manque dans leurs membres. Ceci, Zarathoustra l'avait dit à son cœur lorsque le soleil se leva. Alors interrogateur, il regarda en l'air, car il entendait au-dessus de lui le cri aigu de son aigle. « Allons, » s'écria-t-il, « voilà qui me plaît, voilà qui me sied. Mes animaux sont éveillés, car je suis éveillé. Mon aigle est éveillé et honore le soleil comme moi. De griffes d'aigle, il s'efforce de saisir la lumière nouvelle. Vous êtes les animaux qui me vont. Je vous aime. Mais il me manque encore les hommes qui me conviennent. » Ainsi parlait Zarathoustra. Mais il arriva alors qu'il entendit les battements d'ailes d'innombrables oiseaux qui voltaient autour de lui. Mais le battement de tant d'ailes qui se pressaient autour de sa tête était si grand qu'il en ferma les yeux. Et en vérité, pareil à un nuage, cela se déversa sur lui. Pareil à un nuage de flèches qui se déverse sur un nouvel ennemi. Mais voyez, ici c'était un nuage d'amour et au-dessus d'un nouvel ami. « Que m'arrive-t-il ? » pensait Zarathoustra dans son cœur. Étonné, il se laissa lentement tomber sur une grosse pierre qui se trouvait près de l'entrée de sa caverne. Mais pendant que ses mains se portaient autour de lui, et au-dessus de lui, et au-dessous de lui, et qu'il se défendait des oiseaux tendres, voyez, il lui arriva quelque chose de plus étrange encore. En effet, ses mains, à l'improviste, plongèrent dans une épaisse toison chaude, mais en même temps devant lui un rugissement s'éleva. Un long et doux rugissement de lion. « Le signe vient, » dit Zarathoustra, et son cœur se métamorphosa. Et en vérité, quand la clarté se fit autour de lui, un énorme animal jaune était étendu à ses pieds et frottait sa tête contre son genou. Il ne voulait pas le laisser à force d'amour et faisait pareil à un chien qui retrouve son vieux maître. Mais les colombes n'y allaient pas moins ardemment de leur affection que le lion. Et chaque fois, quand une colombe filait au-dessus du nez du lion, celui-ci hochait la tête, s'étonnait et en riait. À tout cela, Zarathoustra ne dit qu'un mot. « Mes enfants sont proches. Mes enfants. » Puis il se tut tout à fait. Mais son cœur était libéré, et de ses yeux des larmes coulaient et tombaient sur ses mains. Et il ne prêtait plus attention à rien, et il se tenait là, assis, immobile, sans même se défendre encore des animaux. Alors les colombes s'envolaient de temps à autre, et se mettaient sur son épaule et caressaient sa chevelure blanche. Il ne se lassait point de tendresse et d'allégresse. Mais le lion plein de force ne cessait de sécher les larmes qui tombaient sur les mains de Zarathoustra. Et il rugissait et grognait en même temps. Voilà comment se comportaient ces animaux. Tout cela dura un long moment, ou un court moment, car à vrai dire, pour les choses de cette sorte, il n'y a pas de temps sur Terre. Mais les hommes supérieurs s'étaient éveillés et se rangèrent en cortège pour aller à la rencontre de Zarathoustra et lui offrir leur salutation du matin, car en s'éveillant, ils avaient vu qu'il n'était déjà plus parmi eux. Mais comme ils arrivaient à la porte de la caverne et que le bruit de leurs pas les précédait, le lion, un instant, en resta ébahi. Puis tout à coup se détourna de Zarathoustra et bondit en rugissant sauvagement vers la caverne. Mais les hommes supérieurs, en l'entendant rugir, se mirent tous à crier comme d'une seule bouche et prirent la fuite et disparurent en un clin d'œil. Mais Zarathoustra lui-même, abasourdi et étourdi, se leva de son siège, regarda autour de lui, se tint debout, là, étonné, interrogea son cœur, reprit ses esprits et se trouva seul. « Qu'ai-je donc entendu ? » dit-il enfin lentement. « Que m'est-il arrivé ?» Et déjà il lui vint le souvenir, et en un clin d'œil il comprit tout ce qu'il était advenu entre hier et aujourd'hui. « Voici la pierre, » dit-il, et il s'essuya la barbe, sur laquelle j'étais assis hier matin. Et c'est ici que le devin s'approcha de moi, et c'est ici que j'entendis pour la première fois le cri que je viens d'entendre, le grand cri de détresse. Ô vous, homme supérieur, c'est de votre détresse que me parlait hier matin ce vieux devin. Il voulait m'attirer à votre détresse, me tenter par elle. Ô Zarathoustra, me dit-il, je viens pour te séduire pour ton dernier péché. Pour mon dernier péché, s'écria Zarathoustra en riant, plein de colère de son propre mot. Que me resta-t-il épargné d'autre que mon dernier péché ? Et une fois encore, Zarathoustra s'absorba en lui-même et se rassit sur la grosse pierre et réfléchit. Puis tout à coup, il se leva d'un bond. Pitié ! La pitié pour l'homme supérieur, s'écria-t-il, et son visage se fit d'airain. Allons, cela avait le temps. Ma souffrance et ma compassion, qu'importe ? Est-ce au bonheur que j'aspire ? Ce à quoi j'aspire, c'est mon œuvre. Allons, le lion vint, mes enfants sont proches. Zarathoustra est devenu mûr. Mon heure est venue. Ceci est mon matin, mon jour commence. Lève-toi. Lève-toi, grand midi. Ainsi parlait Zarathoustra et il quitta sa caverne, rayonnant et fort comme un soleil du matin venu de montagnes sombres.